Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. On va le mettre en boxeur. Fait que là, il y a juste des boxeurs avec des petits cœurs. Puis ils ont joué comme ça pendant à peu près 5-10 heures. Puis à un moment donné, ils sont tellement devenus attachés à CJ, ils ont tellement voulu jouer le jeu comme si le personnage était vraiment important qu'ils se sont dit, ben là, il est trop ridicule, je peux pas y faire non, ça. Non, c'est ça. Ah, mais ça arrive, effectivement. Puis tu sais, même moi, comme quand je joue à GTA 4, je mets la radio en fonction de qui conduit ou comme avec qui je fais un tour de voiture. Tu sais, comme ça aurait pas de bon sens qu'ils écoutent tel genre de musique. Ouais. Fait que je vais leur mettre quelque chose. Moi, c'est la dépend du char que je prends. Ouais. Si je prends mon muscle car, je me mets un petit truc de vieux rock country. Si je prends ma genre de Ferrari, ben là, je vais avoir quelque chose de plus techno. C'est selon le char. Ouais, puis en fait, quand tu voles des voitures, souvent, le modèle de char et les gens qui sont dedans, il y a déjà une station radio, fait que t'es comme, je vais faire un joyride. Puis il y a beaucoup de gens qui font comme, ben je vais mettre tel genre de musique. Si je fais un drive-by, puis tel autre, s'il faut que j'aille, tu sais, si j'étais avec... Si j'étais avec ma blonde. Oh oui, non, c'est ça. Bon, si je finis juste mon tour d'horizon des... Oui. GTA 5, il m'a quand même pas mal déçu parce que le 4, ce qui était vraiment sa force selon moi, c'était la qualité du scénario, entre autres. T'sais, bon, il y a le même problème que... C'est un gars qui se pose des questions, des dilemmes moraux, mais en même temps, il a fait la guerre, il a participé à du trafic humain, puis il a tué je sais pas combien de personnes. Quoique, lui, on remarquera que quand tu frappes quelqu'un, on entend Nico qui dit « sorry », tu sais. Il y a plus une conscience. Il y a eu un espèce de mini-scandale avant même la sortie du jeu parce que tu pouvais faire du drunk driving. Il y a des moments où tu vas au bar, je sais pas pourquoi, en plus, quand tu rentres dans le bar, tu peux pas aller prendre une bière. Tu ressors systématiquement comme si c'était la pire brosse de ta vie, puis là, t'es complètement... déconstruit. Et quand tu prends le volant, le personnage, en fait, comme il y avait eu des protestations d'un organisme qui lutte contre l'alcool au volant aux États-Unis, ils ont ajouté des tracks vocales pour que Nico dise « Ah, je devrais pas faire ça, je devrais appeler un taxi. » Mais en fait, à mon sens, bon, moi, j'ai jamais conduit sous parce que j'ai jamais conduit. Je vous rappelle, j'ai pas mon vélo. Ça va, coupable, moi aussi. Mais tu sais, j'ai déjà comme pris mon vélo sous une fois puis j'ai débarqué parce que j'étais comme « Je vais me tuer. » Et Il y a beaucoup de gens qui ont dit le mode de conduite en état d'ébriété dans GTA, c'est comme la meilleure publicité que tu peux faire pour ne pas conduire. Ouais, c'est clair. Parce que c'est tellement infaisable que tu dis, ben là, si, je ne l'essayerais même pas dans un jeu vidéo, je ne vais pas le faire dans la vraie vie. Puis il y a des moments comme ça où je trouve que GTA, en donnant le mauvais exemple... C'est pourtant pas si dur que ça. Non, il y a Eric, là, lui, qui est de notre côté pas clean là, de l'émission. Ah, ouais. Il a un passé plus trouble que le nôtre. T'as essayé de conduire sous dans GTA ou Non, pas dans GTA, dans la vraie vie, c'est pas si dur que ça. Ah. Tout le monde n'écoutait pas les conseils de Rick. Rick est une mauvaise personne. Non, on le dit tout le temps. Tu quand même. Non, c'est ça. Ouais. T'es pas venu ici là, tout à l'heure. Non, mais il vous laisse parquer puis prendre une coupe de bière avant de rentrer faire l'émission. Évidemment. Mais c'était fermé. Mais c'est ça. Fait que pour revenir à GTA 4, moi j'ai trouvé que le texte était parfois un peu over the top. C'est sûr qu'il y a comme c'est toujours un peu dans le mode la parodie, des fois il s'y donne allègrement, puis c'est un sens de l'humour très cynique avec lequel moi je vis très bien, donc je trouve que la critique des États-Unis qu'ils font est largement vraiment très bien ciblée et très valable. Mais les moments où il y a une charge émotionnelle, ça m'a très très très surpris, mais je les ai vraiment je les ai éprouvés. Il y a un moment où ton cousin se fait kidnapper, puis en te rendant vers la mission, tu conduis pendant 15 minutes, puis c'est entrecoupé de le voice actor de Nico qui crie comme « Ah, je vais les tuer! » Puis comme juste l'entendre faire ça, je me suis dit « C'est vrai, je vais les tuer! » Non, c'est j'étais ça. Comme pompé, Watch ça devenait... bien arrivé, voilà, c'est ça. Puis je vous recommande, alors, il y a un chapitre de l'excellent livre « Extra Lives » de Tom Bissell. C'est pas de la lecture académique, c'est vraiment... C'est une série d'articles qui portent sur de chapitres qui portent sur certains jeux vidéo. Tom Bissell, je sais pas si il a été traduit en français, mais en anglais, en tout cas, il a une plume extraordinaire et il aborde les jeux vidéo avec une grande, grande intelligence. Dans son chapitre sur GTA 4, où d'ailleurs, il révèle qu'il y a eu des problèmes de consommation de cocaïne qui étaient extrêmement liés à GTA 4 au point où il s'est débarrassé de sa dépendance à la cocaïne, mais il ne peut pas jouer à GTA 4 parce qu'il dit que ça va trop me donner le goût de faire de la poudre. Mais lui, il dit qu'en fait, il y a une scène, il y a un moment où tu revois un gars de ton passé qui a vendu, qui en fait à l'origine avait trahi ton groupe militaire et qui avait causé la mort de tes frères d'armes. Et quand tu le retrouves, c'est rendu un vieux junkie. Puis là, t'apprends qu'il a fait ça pour 1000$. Puis là, comme Nico en fait est posé devant le fait que ouais, mais moi, combien de gens j'ai passé sous les armes pour de l'argent en fait. Et t'as le dilemme de est-ce que je le tue ou pas, comme il y a souvent dans GTA. Et Tom Bissell, dans son chapitre, il raconte que. Il a vraiment été extrêmement, même s'il était dans un moment, tu sais, où il était complètement busté, il était extrêmement ému par ce moment-là. Et que juste réécrire la portion de son livre où il décrit cette scène-là, ça l'a ému. Et moi-même, je me suis rappelé de la scène et ça m'a ému. Donc, j'ai trouvé que pour un jeu qui donne dans l'ultra-violence... Dans le trash. GTA avait quand même fait une simulation de la réalité qui est beaucoup plus... près de la réalité que The Sims, qui est censé être ça. Ouais. L'univers est tellement dense, les personnages, les personnalités, les textures, etc. Et même les personnages ont réussi, par moments, à m'émouvoir. Ils n'ont pas complètement réussi, mais qui aient essayé à ce point-là, d'après moi, c'est déjà valable. C'est ça, une des choses que j'ai le moins aimé de GTA V, c'est le fait qu'il soit revenu à quelque chose qui n'est pas aussi pastel que Vice City, mais qui est clairement parodique, tu sais, qui a... la plupart des dialogues finissent sur une forme de blague quelconque. T'sais. Les personnages sont pas du tout attachants. Ben, Trevor, il est dans la mesure où tu peux trouver drôle une espèce de psychopathe à la Jack Nicholson. C'est comme on discutait hors d'onde tantôt. C'est le seul fait que... Ben, je suis d'accord sur ce point-là avec toi. C'est le seul fait qu'ils sont attachants, c'est parce qu'ils sont drôles. C'est ça. Ils sont comiques, mais... Je me suis pas vraiment attaché au fait de bah il y en a un qui serait mort, ça vraiment pas ben, tant c'est dérangé. Ça, puis tu sais comme puis même que tout ce qu'il y aurait à dire d'intéressant passe complètement dans le beurre. Je veux dire, il y a un bout où bon, il y a une mission où tu dois torturer quelqu'un, puis après la mission, Trevor va reconduire la victime et lui parle, puis il tient un discours que je trouve qui est pas inintéressant, qui a quand même une certaine validité, c'est une réflexion éthique. Mais en même temps, t'sais, c'est difficile de le prendre au sérieux parce qu'il vient de torturer le gars, puis c'est un psychopathe, un peu comme si il y aurait de quoi à dire sur l'influence néfaste que peut avoir la pornographie sur la sexualité des jeunes. Mais si c'est une pornstar qui te le dit, t'sais, tu peux dire « Ok, oui, tu parles en connaissance de cause, mais en même temps, t'es pas nécessairement bien placé pour parler. » Ouais. Tout ce qui vient comme discours social dans GTA est comme genre battu de l'intérieur. Puis le personnage qui peut avoir l'air le plus intéressant, c'est Franklin, mais en même temps, Franklin, sa blonde l'a laissé parce qu'il dit « Tu te prends pas en main. » Puis Franklin, quasiment à chaque fois que tu leur l'autres, il sort des danseuses. Ouais. Puis il est comme toujours en train de faire « Ah, mais là, c'était plus fort que moi. » Écoute, Gabriel, on parle de pornstar, le monde me regarde. On va en arriver au féminisme parce que là, ça, l'émission va quand même assez vite. Puis je voulais justement qu'on arrive à ce point-là. C'est quoi ton rapport avec tout ça? Je sais qu'effectivement, Rockstar, c'est pas mal les seules personnes qui peuvent en arriver à changer l'image des femmes dans leur jeu. Qu'est-ce que t'as à dire à propos de ça? Ben regarde, bon, moi c'est ça, là, je suis féministe, puis ceux et celles qui n'auraient pas regardé la série Feminist Frequency sur YouTube, je vous invite à le faire, parce que même si on est convaincu partiellement, pas du tout ou complètement, Regarder cette série-là avec nos références de jeux vidéo, ça nous fait réaliser bien des choses. Puis notamment, la série parle du fait que le damsel in distress, c'est le rôle qu'occupe le plus une femme dans les jeux vidéo, c'est la demoiselle en détresse que le héros mâle doit aller sauver. Puis que oui, bon, t'sais, mettons la princesse Peach, t'as déjà pu l'incarner dans à peu près deux des 47 jeux de la série, ouais, de la saga Mario, puis que même dans Zelda, t'sais, c'est censé être le personnage principal, mais même quand elle est là, elle se fait kidnapper, ou quand elle, je me souviens pas c'est dans lequel, où elle est comme déguisée en ninja, mais que là, quand elle se dévoile, c'est ça, puis du moment qu'elle se dévoile comme étant Zelda, c'est comme, ok, ben tu peux pas continuer en quête parce que c'est trop dangereux. Ouais. Ok, tout ce qu'elle a avant, c'était correct, mais là. Fait que bref. Je pensais que t'étais un gars maintenant que je sais que t'étais une princesse. Soit en détresse. Non, c'est ça. T'as clairement les capacités de te défendre, mais reste donc dans ton coin. Puis c'est ça, en fait, comme l'image de la femme dans les jeux vidéo est très souvent celle d'un objet plutôt que d'un sujet. Quand c'est un sujet, quand c'est un protagoniste féminin, c'est rare qu'elle soit habillée de la tête aux pieds. Puis tu sais, je pensais à ça tantôt parce que j'ai vu des filles qui faisaient du cosplay, puis je suis comme, ben c'est, tu sais, c'est plate parce que des fois, comme si leur personnage principal, ben elle est comme habillée en bikini, peut-être qu'elle, ça tente pas nécessairement de s'identifier à ça. Puis je trouve qu'il manque de personnages féminins, ouais, auxquels tu peux t'identifier. Au mieux, ben parce qu'une des manières dont ça pourrait, la situation pourrait être améliorée, c'est s'il y avait des personnages féminins qui se comporteraient de la même manière que les gars. Moi, j'ai été d'ailleurs très, très agréablement surpris quand je jouais à Portal 2, ouais, en fait, où je me suis rendu compte à peu près au tiers du jeu, parce qu'il y avait comme deux portails qui se faisaient face, que je me suis rendu compte que c'était une fille parce qu'elle avait une queue de cheval, tout ça, puis j'étais comme, ah ben oui, tu sais, j'ai pris pour acquis, comme c'était en first person, que c'était un gars, mais dans les faits, ça peut être une fille qui fait ce rôle-là dans Portal, ça fait aucune différence, puis ça prouve que les femmes peuvent faire des... peuvent tenir ces rôles-là. Puis justement, par rapport à ça, avec le 3 récemment, Ubisoft qui a été targué de, encore une fois, de tasser possiblement un personnage féminin de leur prochain Assassin's Creed, parce que là, on a la possibilité d'en jouer 4 en coopératif, pas une fille. Ouais, c'est ça. Puis ouais, comme même dans les Mario où, comme t'as 4 personnages, Super Mario Wii, t'as 4 personnages, puis ils ont mis 2 Toads plutôt que mettre la princesse. T'sais, ça devient comme presque de l'acharnement. Oh, ouais. Ça devient systématique et. Je veux dire, dans la longue liste assez odieuse des mauvaises représentations des femmes dans les jeux vidéo, je veux dire, Rockstar est pas mal au sommet. Là, ouais, parce que quand il y en a, tu sais, je veux dire, il y avait Catalina dans GTA 3 que, ok, oui, ça peut être le final boss, mais c'est une traîtresse, tu sais. Puis quand il y a des personnages féminins qui, dans San Andreas, il y a 2 fois où t'as du sexe avec des filles, mais tu sais, c'est des sadomasochistes ou sont vraiment torrides. Puis là, ça devient une humiliation pour l'homme parce que, où il a été victime d'une femme comble du malheur. Puis dans, je veux dire, dans GTA 5, ils ont eu 3 personnages, puis c'est 3 des gars. Oh, ça devient... Moi, je suis à peu près convaincu qu'il va y avoir au moins 1 ou 2 expansion packs avec le 5. La map est tellement grande, ils l'ont pas exploré au corps. Et je me dis, ben là, il serait temps. Que... Moi, j'aurais aimé ça un Trevor, mais version fille. Ouais, ça ben je veux dire. Puis plutôt que faire un espèce de personnage que, bon, c'est une fille, on lui met un gun dans les mains, mais on fait rien, on fait la même réflexion que Rockstar a faite avec CJ pour ce qui est des Noirs ou ben oui, avec Louis pour ce qui est des Hispanos. C'est-à-dire, on met une femme dans la position du protagoniste principal, elle se fait harceler verbalement, etc. Puis moi, j'aimerais tellement ça, ben être oui, une ben fille oui, dans la rue, puis un gars, il tiffe, tu sors un gun, tu tires dans le genou, merci, bonsoir, tu sais. Puis, parce que je comprends, ben, je suis pas d'accord avec, mais je comprends l'espèce de risque financier que oui, peuvent courir beaucoup ouais, de gens dans le monde, tu sais, même dans le monde du cinéma. On n'a pas encore eu de film de Wonder Woman parce que les studios disent, ah ben là, ça nous coûte tellement cher de budget qu'on n'est pas sûr. Mais en même temps, ils font un film avec Guardians of the Galaxy, une bande dessinée que 60 ouais, personnes ouais, connaissent. Un peu, t'sais. Un peu. Il y a un raton laveur avec un gun. C'est ça. Mais c'est ça, il y a un raton laveur. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, il y a un raton laveur avec un gun. C'est ça, tu sais, on est capable de faire un film avec un raton laveur avec un gun, mais pas qu'une fille. C'est ça. Fait que... je comprends la peur qu'a une partie de l'industrie du jeu vidéo de dire, ben là, on veut pas, tu sais, que notre jeu passe dans le bar, que ce soit une controverse, que les gens y apprennent ça, fait ça, ah, ben je veux pas jouer. C'est ça qui s'était passé dans le cas de GTA 3 San Andreas. Ouais. Je pense pas qu'une seule personne qui a écrit, ah, ben moi, je jouerai pas parce que c'est un noir, là, effectivement fait. On finit tout par l'acheter. Je veux dire, moi, j'étais allé voir, c'est tellement puissant, ces machines commerciales-là, ces machines culturelles-là, que moi, j'étais allé voir Amazing Spider-Man 2, j'ai trouvé que c'était de la merde, j'ai dit, je vais plus jamais voir de film de super-héros au grand écran, puis 3 semaines après, j'allais voir X-Men, tu sais. Non, peut c'est pas... Fait que Rockstar a la position unique de pouvoir se permettre non seulement de faire un personnage féminin que tout le monde va être obligé de jouer, qu'ils ont quand même d'après moi, une conscience sociale assez aiguisée pour faire un discours, un traitement de la femme qui serait pas du féminisme de combat, de dire, regardez comment les méchantes, t'sais, tous les hommes qui ont leur carte de membre du patriarcat exploitent les femmes, mais juste dire, regardez c'est quoi l'expérience d'une femme, c'est pas nécessairement le fun, puis la femme, elle peut se venger, puis kicker des culs, puis prendre un char, puis rentrer dans tout le monde. Là. Faire un joyride et finir dans un mur. Puis, voilà. Je veux dire, tout est en place. Là. Ils vont perdre d'argent, et si Rockstar se permet ça, je veux dire, ça va tellement avoir plus d'impact sur la culture populaire que n'importe quelle autre tentative qui serait faite de conscientisation des hommes autant que des femmes pour une conscientisation féministe que ne pourrait le faire un GTA. Et ce serait parce que moi en fait c'est ça avec le quoi j'ai le plus de la misère quand je joue à GTA, c'est vraiment l'espèce de misogynie affreuse, la violence dans les jeux vidéo. On pourrait en parler parce que en 3 minutes je règle la question. La violence dans les jeux vidéo, c'est pas un problème, mais le sexisme, c'est vraiment temps que ça cesse. Et ben, j'en parlais avec des amis, puis on s'est dit la seule compagnie qui pourrait le faire, qui a les reins assez solides pour le faire et que ça aurait un impact. Le message serait pas mal plus impactant que c'était d'autres compagnies de jeux vidéo qui le feraient. Ce serait effectivement Rockstar. C'est ça. Fait que c'est sûr que ce serait odieux de dire qu'ils ont la responsabilité de le faire, parce que tu peux pas faire porter cette responsabilité-là à quelqu'un. Il faut que ça vienne d'un bon vouloir. Mais considérant leur passé, je pense qu'il serait comme temps qu'ils fassent un peu amende honorable. Et je vais finir là-dessus. Oui. Parce que, en fait, quand j'ai réfléchi à GT, puis j'ai écrit mon petit texte, je parlais de grande turbulence adolescente. Parce que pour moi, ça va toujours être lié à l'adolescence, GT, parce que j'ai commencé à jouer quand j'étais ado. Et aussi parce que, puis ça, c'est une réflexion qu'il y avait dans le livre de Tom Bessel, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il dit « La plupart des jeux vidéo ont lieu dans un univers un peu enfantin et on y joue en tant qu'adulte. » C'est l'inverse dans GTA. On est dans un univers résolument adulte. Il n'y a pas d'enfants d'ailleurs dans les rues, parce que là, les créateurs sont dit « Ce serait pas qu'on les écrase un peu. » Un peu. C'est un univers adulte, mais on y joue en tant qu'enfant parce que la consigne, c'est pratiquement « Fuck shit up ». Voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve que il serait temps que Rockstar passe un peu à un côté un peu plus adolescent. Parce que pour moi, l'adolescence, c'est une période où tu te révoltes contre l'autorité, tu commences à avoir plus d'autonomie, tu prends plus tes propres décisions, tu fais des expériences, et comme c'est les premières fois que tu fais ces expériences-là, c'est là que ça va un peu décider bien des choses pour le reste de ta vie. Et l'adolescence, d'ailleurs, c'est long comme période. Je pense pas qu'à 18 ans, boum, t'es un adulte. Moi, je me considère adulte depuis à peu près 2 semaines. Ouais, c'est ça. Et donc, ça pourrait être une belle forme d'expérience adolescente. Oui, le jeu te permet de faire toutes sortes de choses. Il te permet de les faire, mais il t'encourage pas. Un peu comme le truc qu'on reproche souvent de GTA, de dire « Ah, mais là, tu peux aller voir une prostituée, elle te recharge ton énergie en te faisant une pipe, puis tu peux sortir du char puis là-dessus pour récupérer ton argent. » C'est, je veux dire, c'est vraiment un mode de jeu odieux. Mais il y a une femme... Ouais. Des théoriciennes de jeux vidéo qui a dit, d'un point de vue moral comme action, oui, c'est répréhensible, mais d'un point de vue strictement ludique, c'est intelligent. Oh oui. Parce que tu recharges ton énergie puis tu perds pas d'argent. Fait que c'était une femme qui défendait cette action-là. J'ai trouvé ça assez... elle était capable de faire preuve d'une belle distance critique. Mais c'est ça, en fait, GTA pourrait faire quelque chose comme une adolescence. Ils ont déjà montré qu'ils sont capables de provoquer des charges émotives intéressantes. Ils ont déjà démontré qu'ils sont capables de créer des univers assez riches pour qu'on y adhère, qu'on, par l'immersion, qu'on veuille s'identifier au personnage, et que, tranquillement, moi, en tant que Nico, je suis pas mal moins sauvage dans les rues, parce que je trouve que Nico, il a un fond de bon gars, que je l'étais dans GTA V, où j'écrasais tout le monde, parce que j'étais comme, de toute façon, c'est Trevor. Ouais, fait que je pense que... Donc, c'est ça, je pense que les jeux vidéo, c'est la production de la culture populaire la plus importante, la plus influente en ce moment dans la société. Et donc, il pourrait tellement avoir un vent de transformation sociale intéressante si Rockstar prenait un peu ses responsabilités. Merci beaucoup, Gabriel, de cette très intéressante exposé. Merci. Après ça, là, je vais me coucher plus intelligent ce soir, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Gabriel. Et Gabriel va être avec nous pour le reste de l'émission. Monsieur Castagan, après tant de mots et tant d'informations, nous allons aller en musique encore une fois. Et là, on va aller avec un classique des années 80-90 qu'on retrouve dans le film, selon moi, le seul film des Transformers, le film animé. Et la chanson s'appelle « The Touch » de Stan Bush. Dans vos oreilles, à puissance maximale, à Geekfest Québec. You got the touch! Et oui, de retour à Puissance Maximale. On a parlé avec Gabriel avant, mais là, vous avez entendu The Touch de Stan Bush. Très bon. Azor Black, c'est ouais, un indicatif qui date de l'époque. De Vincent. De Vincent, effectivement. Même oui. Avant Vincent, ça se peut. Ouais, mais en fin de compte, moi, je suis rentré, ça faisait 4 mois que Puissance Maximale était en okay. Nombre. Ah, bon, ouais, ça date début, de ces ça. Époques-là. Oui, c'est ça. Et là, on va parler avec M. Jean Simon de Chain Awesome Game. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, là, on va parler avec toi parce qu'on en a parlé à l'émission lors on avait du déjà E3. Fait une entrevue ouais. Aussi, mais il y avait trop de bruit. Fait que là, finalement, on a écouté ça, on a fait. Ah, c'est pas récupérable, ça. Non, c'est ça, on n'avait pas pu le mettre sur sur le site, mais là, on avait parlé parce que là, le E3, ça fait pas si longtemps que ça. Et là, on avait dit en ondes que vous étiez au E3 avec votre jeu Night Squad. Ben absolument. On était dans le kiosque de Microsoft. On avait deux emplacements là, dans le booth. Là, on s'arrange comment là, dans la vie pour être dans le booth de Microsoft avec son jeu de studio indépendant? Non, maintenant, nous autres, on leur donne des conseils à notre émission tout le temps. Non, hein, ça, on leur dit qu'on leur offre nos services de consultants, mais on dirait qu'ils nous écoutent pas. Je sais pas pourquoi. Mais non, c'était en fait ça a été assez fou, ça a déboulé complètement. En fait, on avait absolument rien, mais en fait, on avait notre jeu qu'on avait commencé, qu'on a fait OK, ben on va le présenter au PAX à Boston, puis advienne que pourra. On sait pas pantoute ce qu'on s'en va par là. On avait commencé une campagne Greenlight, puis on s'en va au PAX avec ça, puis advienne que pourra. Alors, on va au PAX, ça avait pas de bon sens. C'était 8 joueurs après 8 joueurs, ça roulait les 3 jours, là, on a eu plein de monde. Mais un petit rappel, Jean-Simon, tu peux peut-être expliquer aux gens là, qui connaissent pas Night Squad, c'est quel genre de jeu? Effectivement, Night Squad, c'est un espèce de... Quand je le pitch, c'est un 8... Ça joue jusqu'à 8 joueurs. C'est un espèce de beau mélange entre Bomberman et Gauntlet. Donc, dans le fond, c'est vraiment... multijoueur, on peut jouer soit 4 contre 4 ou free for all. Il y a différents game modes. C'est assez fou quand il y a actuellement 8 personnes qui jouent en même temps. Donc c'est ça ressemble pas mal à ça. Mais en tout cas, moi je l'ai vu en plus d'être un bon jeu, il est beau en maudit en plus. Il est fluide. Ouais. Et là, t'as amené ça à PAX East, puis ça a été super populaire. Ça a été super populaire. C'est là qu'on a rencontré justement les gens de Microsoft, les gens de Sony, Valve, en fait à peu près tout le monde. Puis on a jasé avec le responsable du programme Xbox ID, Chris Charla. Puis lui, quand il a joué au jeu, il a fait comme ben. Ok, je suis en vacances la semaine prochaine, mais je t'arrange de quoi? Je fais comme, tu m'arranges de quoi? Pourquoi? Il dit, ben, je vais t'envoyer des dev kits, puis fait que là, je fais comme, ok, fait que c'est comme, t'es en train de me dire que tu veux qu'on développe ça pour Xbox One? Il fait, ouais, en plein ça. Fait que là, ok, cool. Fait que on reçoit les kits, on commence à gosser là-dessus pour justement développer ça là-dessus. Puis, quelques semaines avant le 3, il me contacte dans le fond, puis il dit hey, si tu peux nous envoyer du matériel promo, on va essayer de passer ça dans nos demo reels, ces affaires là. Puis tu sais, ça serait bien plaisant. Fait que on fait ok, on va vous arranger quelque chose. Fait qu'on prépare un trailer, on prépare du promo matériel, puis on leur envoie ça. Puis à peu près trois semaines à un mois avant le 3, il dit ben, seriez-vous game? On vous aurait un kiosque là, dans le gros kiosque de Microsoft. On fait ben certain que je vais acheter mes billets d'avion tout de suite. Pas genre à dire bof, vous savez, on va y penser. Non, hein? C'est comme ok, ben je peux cocher quelque chose dans ma vie que j'ai réussi à faire. Aller au E3, c'est ça. Bon ben non. Fait que là, si je comprends bien, c'est à toi qu'on parle. Mais non, c'est ça, fait que les autres nous ont plugué directement, puis on était quand même chanceux parce que justement au PAX East, on avait rencontré aussi les gens d'Alienware qui avaient vraiment aimé notre jeu, puis qu'eux travaillent aussi sur qui ont annoncé dernièrement justement au E3 une console qui vont sortir avec pour Steam dans le fond. Okay. Puis ça, ils avaient vraiment apprécié le jeu, puis ils ont comme fait hey, on va vous setuper un boot dans notre boot du E3. Fait que dans le fond, on avait un boot dans le kiosque Alienware, puis un boot dans le kiosque de Microsoft. Mais là, on peut pas, quand on est développeur là, puis on est au E3, là, on fait pas bon ben amusez-vous, moi je vais aller me promener. T'as pas bougé beaucoup, j'imagine là. Non, vraiment pas. J'ai juste eu le temps. J'ai joué 2 games de Smash Bros, puis c'est à peu près okay. Tout. Après ça, j'étais tout le temps autour parce que. Tu parles-tu de Smash Bros à Wii U? Ouais. T'as-tu joué Pac-Man? Non, je vais jouer Pac-Man. Shame on you. Mais non, ça, j'ai joué Little Mac, puis c'est à peu près tout. Là. J'ai pas eu le temps ben d'expérimenter. Puis après ça, je me suis promené à peine pour dire, juste comme voir un peu le scenery, puis voir de quoi ça avait l'air le E3. Mais j'ai pas eu le temps de jouer à grand chose. Les réactions des gens sur place, ça ressemblait à quoi? C'était très positif. Ouais. Les gens aimaient vraiment ça. Je dirais que ça reste le E3, fait que le monde va là pour voir des AAA, puis ils se font comme bombarder de jeux awesome. Mais le monde qui ont passé puis qui ont joué, ils ont vraiment apprécié le jeu. Puis pour nous, c'était déjà un achievement d'être là. Fait que ça nous a permis justement de rencontrer du monde d'importance. Puis en plus de ça, ben, de pouvoir justement comme présenter ça à d'autres professionnels du milieu puis qui appréciaient le jeu. Je veux dire, quand je faisais jouer mon jeu, je faisais jouer du monde de chez Riot, du monde chez Blizzard, puis qui appréciaient le jeu. J'étais comme, ben, OK, c'est plaisant. Mais là, tu es en train de nous dire qu'il y a une version Xbox One. qui s'en vient. Oui. Là, pour les gens qui sont intéressés par Night Squad, on fait quoi là? Vous autres, vous avez votre green light, vous avez été sur Steam? Présentement, c'est ça. Présentement, il est sur Steam Early Access. Donc, dans le fond, à chaque deux semaines, on fait un nouveau build avec plus de contenu, soit des nouvelles maps, des nouveaux weapons, au fur et à mesure qu'on construit le jeu. À quel montant? Il est 10$ présentement sur Steam. Ah, ça va à peine. Il vaut le 10$. Oh, oui, en masse. Vous le dites, là, j'y ai joué tantôt. Ben, en fait, tantôt, hier. Non, ça va mais à peine. C'est ça, il est présentement sur Early Access. Puis comme je dis, on met du nouveau contenu à tous les deux semaines. Puis C'est que là, il y a quelque chose. Ah, ben, il y a Gabriel qui a une question. Ouais, ben, yes. j'ai une question. En fait, quand vous êtes un studio indépendant comme ça, puis vous faites approcher par des grosses compagnies comme. Est-ce que vous avez eu un moment où vous discutiez comme ben là, est-ce qu'on leur dit oui ou pas parce que c'est un peu signer un pacte avec le diable puis on va se faire rouler dans la farine ou c'est comme on serait juste niaiseux de dire non si on embarque parce que je connais pas nécessairement comme t'sais, très bien le fonctionnement disons économique de l'industrie mais d'un point de vue créatif ce qui sort souvent c'est ça c'est comme quand tu dis oui à ces affaires-là, ça, tu perds ton contrôle artistique, etc. Non, je te dirais qu'ils sont de plus en plus sympathiques pour ça. Parce que ce qui arrive, c'est que on dirait que le marché s'ouvre de plus en plus aux jeux indépendants. Mm-hmm. Puis ce qui arrive avec ça, c'est qu'ils ont comme pas le choix de comprendre ces réalités-là. Puis ils peuvent pas. Ils peuvent pas justement enlever le contrôle créatif à ces indépendants-là. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ben regarde, moi je peux t'offrir une opportunité qui serait une exclusivité. Puis ce qui va souvent arriver avec ça, c'est que ben veux pas si t'es exclusif à cette console-là, ils vont avoir plus d'intérêt pour faire la promotion de ton jeu. Mm-hmm. Puis des fois il y a comme un montant qui est associé à ça. Nous on est présentement pas exclusif à Xbox One, donc si j'ai à négocier avec Sony ou avec Nintendo parce qu'ils veulent que je mette le jeu sur leur console, ben je suis pas limité. Okay. Puis il y a pas un moment où ce que Microsoft a fait comme ben écoutez, regarde, si ça fonctionne pas, faudrait que vous enleviez ça, puis vous mettiez ça à la place. C'est vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut, dans le fond. Il faut dire que dans les grosses compagnies, justement, Microsoft s'en est dans une très bonne, là, qui est très ouverte au niveau de l'indie. Même sur la 360, là, ça a été une grosse plateforme de diffusion. Fait que j'ai hâte de voir ce qui s'en vient avec l'Xbox One, puis les autres constructeurs aussi, parce que aussi PlayStation, Sony, on a vu lors du E3 qu'il y avait une belle ouverture qui s'en venait aussi au niveau de leur console. Fait que moi, j'aime bien ça, voir du monde de chez nous qui peuvent percer, puis en plus, qui gardent leur beau produit tel quel. En plus, tu disais que tu étais peut-être en négociation avec Sony déjà. Ouais, bien sûr, on discute avec eux, dans le fond, mais il n'y a rien d'officiel. Mais j'avoue. Mais c'est pas grave. Vous avez déjà un contact. Non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est auriez-vous pu avoir une entente d'exclusivité, par exemple, ou parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. L'ont-tu proposé? Microsoft, exclusivité Sony, ou... Ben, il n'y a pas... Tu sais, en fond, on en a discuté brièvement, mais on n'a pas eu de grosses discussions encore avec ça. Ça se pourrait qu'il y en ait. Parce que je me disais, aussitôt que vous envoyez le kit de développement, je me disais peut-être que c'était ça qu'ils voulaient aussi, mais non. Non, avec dans le fond, ils ont un programme qui s'appelle le Xbox ID, qui c'est vraiment pour aider les développeurs indépendants. Donc, dans le fond, ils vont faire du recrutement, dans le fond, ils vont vérifier. Exemple, ils vont se promener dans des événements comme le PAX, où ce que beaucoup de développeurs indépendants qui montrent leurs produits, puis ils vont regarder, ils vont faire comme est-ce que ça serait un bon match pour la console. Nous, comme on supportait jusqu'à 8 joueurs, ben il n'y en a pas beaucoup des jeux jusqu'à 8 joueurs. La Xbox One supporte 8 joueurs, puis eux recherchent justement ce genre de produit-là. Donc, dans le fond, le simple fait qu'on ait quelque chose qui est super cool, puis qu'on leur présente ça, ben eux, c'est comme une espèce de match parfait, parce que dans le sens que, OK, ben ça joue jusqu'à 8, notre console joue jusqu'à 8, on n'a pas beaucoup de jeux qui exploitent ces features-là. Puis en plus, on a un jeu awesome, il aimerait ça développer pour Xbox One, ben go, on va leur donner dans le fond ce que ça prend. Puis justement, eux, c'est ça, ils vont essayer de chercher des développeurs indépendants qui vont pouvoir faire venir dans le fond dans l'écurie Microsoft, si on veut, avec le programme Xbox ID. Mais tu sais, ça engage à rien de... Je suis pas obligé de relisser uniquement sur Xbox One. Ça, c'est une autre entente complètement, dans le fond. Hey, mais c'est des. Moi, j'adore ça, dans du monde de mon coin, qui peuvent se rendre jusque-là avec des aussi bons produits. Écoute, Jean-Simon, on va te laisser retourner à ton boot. Juste rappeler aux gens où est-ce qu'ils peuvent se procurer Night Squad. Présentement, c'est sur Steam. Présentement, c'est sur Steam à 9,99. Comme je dis, on fait des builds à toutes les deux semaines. Puis sinon, ça va s'emmener sur Xbox One incessamment. On continue à les suivre à puissance maximale. On va vous informer. Et il y a le seal of approval de l'équipe parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Ça fait qu'aller les encourager. Chain Awesome Game. disponible maintenant sur Steam. Merci, Jean-Simon. Ben, merci beaucoup. Monsieur Castegan, il est temps de retourner en musique parce qu'après, on va aller parler avec Monsieur Guy Bergeron. Mais deux secondes avant, il faut que je fasse une chose. Ah, vas-y donc. Ça sera pas trop long. Oh! All your bays are below. Oui, mesdames et messieurs, c'était la ID de M. Christian Lacroix. Oui, bonjour tout le monde. Salut Christian, ça va bien? Oui, ça va bien. Un autre ancien membre de l'équipe qui était là à l'époque de Vincent. Eh oui, un retour aux sources. C'est grâce à Christian que je suis arrivé à Puissance Maximale. En plus? Ah oui. Oui, c'est vrai, je t'ai recruté. Ah oui. Fait que t'es... C'est à tout cause de Christian, finalement, qu'on est là, parce que ben non, mais Vincent c'est ça. Pour le monde, il faut qu'on refasse le tracé, là. OK, tout le monde le sait, on l'a déjà dit en nombre, je le répète pour le monde ici. Christian, c'était le bibliothèque de mon école secondaire. La bibliothèque. La ouais, bibliothèque. Salut. La bibliothèque. Il y en a quelques dans ses poches constamment. Quelques livres sur moi. Le bibliothécaire qui était au collège de Lévis, mon école secondaire. Et après ça, ben... Vincent, c'était mon prof d'espagnol. Eh ouais. Puis il a invité une organisation qui s'appelait Cap et Kimono, que j'étais le président trésorier à l'époque. Et c'est comme ça que je suis rendu dans la puissance maximale. Après ça, Andrew m'en a parlé. Donc c'est tout à cause de Christian. Merci Christian. Il y a aussi François. Ben oui, effectivement. On dans l'équipe. Mais là, justement, là, le prochain invité, là, Christian, là, tu vas peut-être pouvoir y parler. Là, t'sais, ça parle de livres, le prochain invité. Bon, il y en a partout, en plus. Ils sont à côté de moi. Waouh, j'adore les livres. C'est en plus, de toute façon, Christian, tu as toujours le droit d'intervenir pendant l'émission comme toutes les personnes dans la salle présentement. Il faut juste nous faire un signe. Mais juste un rappel, Christian, à l'époque, toi, tu étais chroniqueur jeu de plate. Ben, toi, on te voit partout aux journées ludiques, un peu partout à La Revanche aussi. En fait, je pense qu'il est un bon client de La Revanche. Ouais, ben moi, je l'ai vu une ou deux fois quand je passais. Je passais, il était là. Mais à l'époque, tu étais chroniqueur... Jeu de rôle traditionnel. Surtout, mais à un moment donné, je faisais aussi des jeux de plateau, un peu de jeux vidéo. C'est un peu de littérature aussi. Oui, c'est vrai. Les livres de zombies, là, comment survivre à une attaque de zombies, des choses comme ça. Oui, c'est tout. Puis des fois, je fais déjà des éditoriaux, comme là, j'en ai préparé un, si vous avez le temps. Ah ben oui, on va te garder une place pour toi, certain, Christian. Excellent. Bon, mais M. Castegan, on va aller en musique pour accueillir M. Bergeron, et on va y aller avec une reprise d'une chanson, ma foi, que j'ai beaucoup aimée. C'est des nains qui chantent ça, cette chanson-là, la chanson Misty Mountains. Dans The Hobbit, et là c'est repris par Monsieur John Sung Han et Peter Hollins. Faut peut-être dire par exemple qu'est-ce que Peter Hollins fait. Ouais, en pour fait, apprécier encore plus le... C'est un gars qui fait de la musique a cappella, mais il reprend l'instrumental mais avec sa voix. Ça fait qu'il mixe tout ça ensemble, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Il a fait beaucoup de duos entre autres avec Lindsey Stirling. Excellent show de Montréal d'ailleurs, que j'allais voir. Donc vous pouvez aller taper ça Peter Hollins, mais d'ailleurs pour les gens qui sont intéressés par la musique qu'on met, rappelez-vous que quand on upload un podcast de l'émission, il y a toujours le choix musical avec les artistes. Donc, si vous voulez aller vous chercher ça après ça sur Internet, ben c'est plus facile. Et mon pitch de vente est, c'est quoi vous passez comme musique à puissance maximale? Oh, c'est que Michael Goodman. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. J'avoue qu'il y a pas longtemps, c'est des amis de Lévis, monsieur Mathieu Galarneau, qui était venu passer en studio. Puis là, on part en pause de mi-émission. Je pars une toune de black metal suédois qui date de 2002. Là, il reste pour l'autre segment. Après ça, bon, ben, mesdames et messieurs, il est temps de passer à Charles Aznavour et Emmenez-moi. Là, il a fait, c'est quoi le lien? Ben, il n'y en a pas. Le lien, c'est la diversité. Voilà. Mais là, on a quand même, pour aujourd'hui, à Geekfest, on garde quand même un côté, justement, geek. Ça fait que c'est tout à relié à un film, quelque chose du genre. Et là, ben, on va l'entendre, Misty Mountains, direct dans vos oreilles, à puissance maximale en direct de Geekfest Québec. Follow the misty mountains cold. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, on a entendu Misty Mountains avec Monsieur Peter Holland, puis un nom asiatique qui est difficile à prononcer. Ah, je l'ai trouvé ici, juste ici. Monsieur Jun Sung Han. C'est dit. Et là, on est avec Monsieur Guy Bergeron. Salut, Guy. Salut, ça va bien? Ben oui. Ben ouais, on est habitué de l'émission, ben là, on se tutoie, Guy, parce que ça fait comme deux, trois fois que tu passes à l'émission. Oui. Ça va être la troisième, là, je pense. Ouais. Oui, là, c'est la troisième fois. Croisé dans le salon du livre aussi. Ben oui, parce que là, on parlait de ça hors d'onde avec Vincent, là, bac en littérature de mon côté, de ton côté aussi. Oui. Christian, c'est-tu que toi aussi? En histoire, mais le cégep en littérature. Ah, OK, bon, on est tous des lettrés, puis là, c'est pour ça qu'on veut parler livre. Bon, j'ai compris, les gars, je vais quitter. Non, ben, c'était bien correct. Tu peux fermer ton micro. Ça veut dire qu'ils vont me tendre des pièges, là, je serais pas capable de répondre aux questions. Andrew est quand même très, très, très cultivé. Ah oui, tout à fait. Puis en plus, il est bon en technique. Bon, c'est vrai qu'on t'a flatté, on va parler avec Guy. Écoute, Guy, auteur de la région de Québec, on te voit, en tout cas, nous autres, on te voit assez souvent. Et là, t'es dans les genres littéraires que j'aime beaucoup. Premièrement, t'as deux trilogies médiévales fantastiques. Oui. L'héritière de Ferrolia avec trois tomes. On va y aller avec, je vais les nommer rapidement, Le portail des ombres, La dame blanche et le règne de l'épervier. Oui. Et on a la trilogie, de l'orbe avec L'orbe et le croissant, Les champions de Libra et Alliance au pluriel, bien évidemment. Et on a aussi, t'en as deux qui sont considérés hors série. Hors série un peu, c'est ça, Légende d'Arménis, la série Légende d'Arménis, où chaque livre sont indépendants un de l'autre. C'est Cœur de givre et Les âmes perdues. Oui. Moi, j'ai lu les deux excellents livres. Merci. Moi, j'adore ça. Là, on a Christian là, qui les montre aux gens dans la salle. Et on a aussi, tu vois aussi, c'est de l'horreur fantastique. Science-fiction, c'est ça. Oui, plus parce que c'est un monde futuriste qu'on suppose être notre monde. Ça, c'est une série qui a été écrite par plusieurs auteurs, où chaque livre de la série est écrit par un auteur différent. T'es directeur de la série, ça? Oui, c'est ça. Je reçois, c'est assez récent, là. C'est depuis cet automne que c'est moi qui m'occupe de la série, qui reçoit les manuscrits, qui retravaille avec les auteurs un petit peu aussi. Fait qu'il y en a 9 de parus présentement. Le mien était le premier à paraître en 2010. Peux-tu? Quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas les dates, par exemple. Je me fie sur. Il y a les de mémoire, là. C'est ça. Et là, moi, ma question première, là, moi, j'ai étudié en littérature, j'en ai lu bien gros des livres, et comme bien du monde. Hein? T'en as oublié d'en nommer un. Ah oui, le dernier? Ah ben oui, celui que j'ai. En fait, le dernier que j'ai lu, Fils de Troie, qui est une réécriture du mythe justement de la guerre de Troie. Ouais. D'ailleurs, que je recommande à plusieurs personnes. Disons, il y a des gens, là, qui veulent relire le mythe, déjà, qui le connaissent. Très belle réécriture. Puis même les gens qui ne le connaissent pas, c'est une belle entrée en matière. En rajoutant un petit peu ma petite touche. Oui. Fantastique un petit peu là-dedans. Romancer un petit peu, évidemment. Là. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a bien des gens qui ont fait la réécriture justement de ce mythe-là en mettant de côté les dieux. Dans certains films, dans certains livres aussi. Puis là, toi, ils sont là. Ils jouent leur rôle, mais. C'est bien amené. Moi, j'adorais ça. On en a déjà parlé à l'émission, mais je le répète. Je le recommande à tout le monde. Puis là. Deux livres qui se posaient être dans cette série-là. Donc, Les Fils de Troie, c'est le premier. Il se posait d'avoir un deuxième. Oui, le deuxième est en écriture. Là, je suis en train de faire ça. Là. La question, justement, je voulais parler d'écriture avec toi. Évidemment, c'est ça. Moi, j'ai fait un bac en littérature. Puis, comme bien du monde qui ont fait bac en littérature, on a tous pensé à un certain moment donné à écrire. Bien évidemment, on a toutes des histoires dans nos têtes qu'on aimerait faire lire à des gens. Mais c'est beaucoup de travail à écrire. On s'en rend compte assez rapidement. Écoute, Fils de Troie. Combien ça t'a pris de temps? Environ, écriture incluant correction, environ 9 mois, je dirais. Peut-être un mois ou deux de recherche avant, là. Mais je connaissais déjà bien, je l'avais déjà lu souvent, là, mais donc il fallait quand même que je refasse un petit peu de recherche. Je dirais 9 mois, écriture et correction. Ma correction à moi avant que je l'envoie à l'éditeur. Après ça, c'est sûr que là, il y a une correction qui revient de l'éditeur après. On a un petit peu de travail à faire quand même. Là. Mettons 9 mois. Donc, c'est comme un bébé, dans le fond. C'est ça. Puis c'est presque la même affaire pour chacun de mes livres. C'est toute la même gestation. Bon. Ben, c'est quand même un bon rythme d'écriture. Il y a des auteurs qui écrivent pas mal moins que ça. Oui, ça dépend des tailles de volume aussi, des tailles des romans aussi. Là. Puis du style qu'on va retrouver, si ça va être justement de la science-fiction, du roman plus réaliste, c'est pas le même genre de travail non plus. C'est ça. Moi, quoique généralement, ça m'a tout pris le même temps, à part un peu moins pour mon Clown Vengeur, là, qui s'appelle Valse Macabre, parce qu'évidemment, il est moins volumineux un petit peu. Là. Ça a été plus rapide un petit peu, celui-là. Mais là, avec tout ça, toute cette écriture-là, il faut, faut marier ça avec la vie, la réalité, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que là, en plus, t'as un autre travail. Oui, parce qu'on se cache pas, hein, vivre de sa plume au Québec, il y en a pas beaucoup. Facile. Environ 3% des auteurs seulement sont capables d'y arriver. Puis c'est pas parce que c'est pas intéressant. Non, c'est que... tant que tu peux pas exporter ton livre, c'est impossible parce que le marché est trop petit ici au Québec. Faut que tu sois sur le marché européen, francophone européen, où tu aies des traductions, mais faire traduire un livre, c'est très, très exonérant. Très cher aussi. Oh, là. Oui. C'est des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Puis c'est pas tous les éditeurs qui sont prêts à investir ça. Puis en plus, t'écris dans des genres littéraires qui sont considérés par bien des gens, malheureusement, comme étant de la sous-littérature. Oui, exactement. Puis tu sais, pour avoir justement fait un bac en littérature à l'université, disons, j'ai eu des profs assez élitistes là-dessus. Ça aussi, ça doit pas aider. Là. Moi, ça ben, pour les ventes, peut-être pas tant que ça, parce que c'est pas les livres les plus... les mieux cotés par les grands penseurs de ce monde qui vendent le plus nécessairement. Hein? Mm-hmm. C'est un peu comme les films, dans le fond. C'est les gros blockbusters, c'est pas nécessairement les films que vont encenser les critiques. Mais, il y en a des très bons. À Transformers. Là. Puis ouais, moi, mais ça, c'est pas bon, Transformers, c'est pas la même chose. Non, mais c'est ça, mais je veux dire... ben, il y a des meilleurs films. C'est pas bon, mais ils performent au box-office, mais ils sont pourris. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est comme Tortue Ninja, ça va être pareil. Ah, on va pas starter ces Tortues Ninja. Oui, on avait parlé quand j'étais allé, justement, je m'en souviens. Hey, on n'a pas arrêté d'en parler depuis que t'es pas revenu, là, ça a pas de bon sens. Mais, donc, comment tu dis? Hein? Ah non, c'est ça, la relance, l'est pas là-dessus. Marcus meurt. Vous irez vous ostiner dehors tantôt. Mais là, qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Moi, je vais te parler du médiéval fantastique parce que moi aussi, j'ai voulu en écrire. J'en ai lu beaucoup. Tu sais, des séries qu'on connaît tous, Dragonlance, Forgotten Realms. Évidemment, Seigneur des Anneaux, Robert E. Jordan, Salvatore, toute cette gang-là là, que près de tous les fans de ce genre-là connaissent. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de rentrer dans cet univers-là? On a parlé tantôt de jeux de rôle. Je ne sais pas si tu as déjà joué justement à Donjons Dragons. Ben oui. Mon premier livre de tout que j'ai écrit vient un petit peu de ça. Raconter l'histoire, c'est ça. J'avais toujours eu le goût d'écrire depuis que j'étais tout jeune parce que j'étais un grand amateur de lecture. Il y a beaucoup de grands lecteurs qui rêvent de pouvoir écrire un jour. Fait que je suis devenu, par la force des choses, à un moment donné, maître de Donjons et Dragons. Yes. Jeu de plateau qu'on jouait dans le temps avec des amis. Puis une de ces histoires-là, puis moi, je créais mes modules. Je me contentais pas de les acheter. Donc, je créais les modules, tout ça. Puis une de ces aventures-là que j'avais créées avec mes chums, j'avais trouvé ça super bon. J'avais trouvé que ce serait un bon noyau pour faire une histoire. Fait que je suis parti vraiment du noyau que j'avais créé de cette histoire-là pour écrire un livre pour mon plaisir personnel, pas dans le but d'être édité, là, juste pour le fun. Puis je me disais, au pire, je vais le donner à mes chums avec qui je joue, puis on va s'amuser. Fait que j'ai commencé à écrire ça. Puis en cours de route, je me suis dit, il me manque peut-être quelque chose un peu, c'est pour le style. Je voulais quand même faire de quoi de pas pire, même si c'était pour pas être nécessairement édité. Fait que j'ai demandé à quelqu'un qui connaissait ça, que j'ai contacté, que j'ai trouvé une annonce dans un journal presque. Là. OK. Puis c'est quelqu'un qui faisait de la correction littéraire, tout ça, qui m'a donné des conseils. Puis elle m'a dit, ton livre, renvoie-moi quelques chapitres, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Finalement, elle m'a suivi tout le long de mon livre, elle me donnait quelques conseils. Je l'ai envoyé à un éditeur, et depuis ce temps-là, j'ai édité, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Fait que là, que tu parles de quel. Le premier livre était la trilogie de l'Orbe. Le premier livre était L'Orbe et le Croissant. Non, je l'ai entre les mains ici. Là. Qui est paru aux éditions Arion en 2006, mais la maison d'édition, un an après, a fermé ses portes. Donc là, la maison Porte-Bonheur m'a récupéré, si je peux dire. Fait que là, ensemble, on a attendu que les trois livres de la trilogie soient écrits. En 2008, on a sorti les trois. En 2010, on a sorti les trois livres de la trilogie L'Héritière de Ferrolia, qui est dans le même monde, fantastique, mais une histoire complètement différente. Et ensuite, bon, les deux hors-série, là, Légende d'Arménis, ont suivi, qui sont toujours dans le même monde que j'ai créé, qui est Arménis. Écoute, moi, je comprends beaucoup, beaucoup de quoi tu me parles, parce que moi aussi, quand j'étais maître de jeu, là, j'ai arrêté parce que, maintenant, j'avais c'est plus le temps de faire. Aussi, hein. Mais parce que t'es plate. Ouais, aussi, ben, ouais, tout à fait. Je trouve ça plate un peu. J'ai arrêté de master des games parce que j'avais plus le temps, parce que je faisais exactement comme toi. J'écrivais tout de A à Z. C'est beaucoup de job. Là, tu disais à un moment donné, ouais, c'est bien juste pour jouer puis lancer des dés. Puis ça me prend, ça peut juste écrire une petite aventure juste pour une session qui est, disons que t'es chanceux, tu peux jouer 4-5 heures, là, une session. C'est une journée de travail, sinon plus. Tu fais, ouais. Puis intensive, là, pas, j'écris de quoi, je vais faire d'autres choses. On s'assit, on pogne. Entre autres, vu qu'il y a des combats, là. Ça fait qu'il prend le bestiaire, qu'est-ce qui fitrait le plus, comment ça calculer ces choses, puis là, on dit, bon, qu'est-ce qui fit avec ça, comment ça écrire ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Puis là, la question est là. Et de savoir comment on adapte ça, un module écrit pour un livre, J'ai pris vraiment le noyau, là, qui était le personnage, en fait, qui était... puis les gens me reviennent beaucoup avec ce personnage-là, qui est un magicien nécromancien, mais qui brise un petit peu le moule qu'on connaît du gros bête et méchant tout noir, là, qui est un petit peu... plus nuancé, exactement. qu'on apprend à connaître au fil de la trilogie. Fait qu'avec l'interaction qu'il y avait eu avec un joyeux paladin avec qui il y avait eu bien des altercations dans mon module que j'avais fait, ben, ça m'a donné l'histoire de base. Mais là, j'ai complètement reparti presque de zéro. Okay. C'est vraiment l'idée de base là, qui m'était restée de ça. Les personnages, question comme ça, là, les personnages de tes amis qui jouaient avec toi, est-ce que tu as repris un peu leur personnage, oui. Vraiment des petits clins d'œil ou ça a été des personnages importants dans ta série? C'était des clins d'œil pas mal pour tous les personnages. Okay. Le paladin est devenu un guerrier ordinaire parce que j'ai pas vraiment de paladin dans mon monde à moi. Ouais. Mon magicien nécromancien, c'était mon personnage à moi, évidemment. Il y a deux autres personnages, là, une prêtresse, entre autres, qui est importante, qui est là-dedans, qui était un personnage aussi qui était dans mon livre, vu que j'ai adapté un petit peu. Dans mon module, je veux dire, mais que j'ai adapté un petit peu pour mon livre. Mais là, t'es parti du médiéval fantastique pour te diriger vers la science-fiction en premier, avant de tomber justement dans la mythologie. Oui. C'est un autre de tes amours, la science-fiction? Ben, pas vraiment, c'est ce qui est drôle. J'ai lu quelques classiques du Asimov, des choses comme ça, mais ça m'a jamais vraiment accroché tant que ça, la science-fiction. Mais à un moment donné, j'ai rencontré Michel Gilévesque, qui est un auteur aussi qui a écrit les Ariel Queen, Psycho Boys, etc. Il y a plusieurs séries là, à son actif. Puis il avait écrit des petites nouvelles là-dessus sur un monde des clowns vengeurs qui était un ordre d'assassins finalement du futur qui se déguisent en clowns pour faire leur meurtre. C'est assez un petit peu noir et violent comme roman. Éric a l'air d'aimer ça. Oui, c'est ça. Donc, dans cette série-là, puis là, il en a parlé à mon éditeur que j'avais déjà, chez où j'avais édité mes autres livres. Puis mon éditeur t'a intéressé à faire une série avec ça. Fait qu'on s'est réunis quelques auteurs qui pourraient être intéressés. On me souvient, c'était lors du Salon de Trois-Rivières. Puis moi, j'étais pas certain parce que la science-fiction m'accrochait pas tant que ça. Mais en parlant, en lisant les nouvelles qu'avait déjà écrit Michel là-dessus, puis en parlant un petit peu, ça m'a accroché. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu un flash. J'ai pas dormi de la nuit. Puis mon histoire est née de A à Z dans cette nuit-là, de mon personnage, surtout là, un petit peu dérangé psychologiquement, un petit peu psychopathe. Et ça m'a donné l'idée pour le sommeil, livre. J'ai manqué de sommeil, mais ça valait la peine. C'est ça, tu disais, je me sens un peu psychopathe. C'est mon perso. Si je me fais ton manque de sommeil récent, tu t'avais donné pour un livre, toi, là? Moi, c'est déjà en écriture. Ouais, c'est ça. J'ai deux mots. Non, c'est ça. Méchant roux, quelque chose du genre. Non, il était. OK, c'est bon. Donc, là, c'est ça. Puis à partir de ça, j'ai décidé d'essayer le science-fiction. Puis j'ai pas eu ça. J'ai bien aimé ça. Puis je voulais que ça soit plus noir un peu, évidemment, parce que là, c'était un public plus âgé un petit peu. Ça visait un public fin d'adolescence et adulte. OK. Fait que c'est-à-dire qu'on était un petit peu plus noir, sombre et violent. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas de misère, finalement. J'aurais pu aller plus loin. Je me suis même limité par bout. Là. Mais là, on a combien de livres dans cette collection-là présentement? 9 présentement. OK. Il y en a un dixième qui est supposé de paraître. On n'est pas certain encore si ça va être cet automne, probablement plus cet hiver, là, okay. Dans cette série-là. Donc, chaque livre est écrit par un auteur différent. Il y a une couple d'auteurs là, qui en ont écrit deux quand même. Puis là, toi, de ton côté, y en a-tu un prochain qui s'en vient? Pas dans cette série-là, non. Non, non. Non, je me contente de faire la direction littéraire de la série. Pour l'instant, c'est déjà ça aussi pas mal de travail. Michael, hein. Oui. Je vois qu'il y a un GP qui est rentré, qui a l'air d'avoir une question. Bonjour. Tu veux poser une question? Il y a un micro. Non, c'est juste le speaker qui est là. Oui. C'est à vous ou c'est parce que c'est exactement là que Ah, c'est Monsieur Mathieu Charon qui nous a prêté ça pour l'émission. Okay, bon. Tu peux aller le voir, Edgy, il va t'informer. Oui, Guy, je te posais la question parce que là, tu venais de me dire que je trouve que je suis pas allé assez loin à certains moments dans ma série. Ben non, je suis allé assez loin, je pense, pour le public cible. OK, ouais. J'aurais pu aller plus loin si le public cible avait été autre. Fait que peut-être un moment donné, peut-être une autre collection, un stand-alone, peut-être d'avoir quelque chose. Il n'y a rien de fermé, il y a des projets en cours, avec peut-être même avec d'autres auteurs, mais ça reste à déterminer. Il n'y a rien encore. Parais-tu que j'aime ça, ce qu'il écrit? Je veux qu'il en fait. Ben, moi aussi. Moi, je les ai toutes, puis ils sont toutes autographiées. Là, moi, un jour, ça monte en flèche. Ben, comme j'ai toujours, mec, je meurs. Et là, après la science-fiction, on tombe vers la mythologie. Trouves-tu que c'est un mouvement naturel de partir vers le médiéval fantastique, vers la mytho? Ouais. Parce qu'on a juste à regarder d'où vient le fantastique ou même ce qu'ils appellent le fantasy, parce qu'il y a une différence maintenant, beaucoup font la différence entre les deux. Ça vient d'où? Ça vient beaucoup de la mythologie. Là. Il y a beaucoup de. On regarde le Seigneur des Anneaux, il s'est beaucoup inspiré de la mythologie scandinave, entre autres, et de plein d'autres places. Même que Tolkien disait à l'époque que lui voulait créer une mythologie anglaise parce qu'il manquait ça dans leur histoire. Ça fait que c'était un peu un de ses buts. Ça fait qu'effectivement, on est là-dedans. On regarde tous les romans qui sortent, qui ont une petite touche fantastique comme ça. Ils ont toute une base, souvent. Puis à présent, on parle tout le temps des dieux. Qui soient pris. Des dieux, des créatures. Non, mais précisément, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose qui nous ramène vers la mythologie. Ouais. Puis même dans les univers justement fantasy, juste à ouvrir justement un bestiaire dans Donjons et Dragons, le trois-quarts des créatures, exactement. C'est des créatures mythologiques. Un kraken qui vient de la mythologie grecque. Bon, ça n'arrête pas, là. Puis là, là, toi, t'as décidé... Là, ben, évidemment, moi, l'histoire m'avait toujours passionné aussi. Oui. Grec et romaine, surtout, au niveau de l'Antiquité. Fait que je me suis dit, pourquoi pas rejoindre l'utile à l'agréable, mettre mes deux passions ensemble, qui étaient histoire et fantastique, puis faire une relecture de Fils de Troie, parce que je trouvais que c'était une excellente histoire, la guerre de Troie, ce qui vient avant l'Odyssée aussi, et l'Odyssée, après ça, qui est avec Ulysse. Puis je trouvais, dans les salons du livre, souvent, quand on discutait avec des lecteurs, dans les jeunes, il n'y avait pas grand monde qui connaissait ça. Ça reste un récit fondateur de la littérature occidentale. Puis on s'entend que lire ça directement comme ça, c'est pas accessible pour tout le monde, parce que c'est écrit en chant. C'est assez rock'n'roll. Oui, c'est écrit en 500 avant Jésus-Christ, à peu près, là, fait que c'est pas évident. Puis les descriptions. Fait que je voulais rendre l'histoire intéressante, accessible. Fait que, évidemment, j'ai oblitéré beaucoup, beaucoup de noms pour rendre ça un petit peu facile à lire. On en avait parlé en semaine, ouais. Justement, dans l'Iliade, où il y a des bouts où ils disent Achille arrive, il commence à tuer un gars, puis il tue le gars, puis il dit cet homme qui était le fils d'un tel, petit-fils d'un tel, mais tu le revois pas du récit. Non, c'est ça. Ça commence à faire un récit assez beaucoup, lourd. Là. Fait que j'ai pris quelques libertés, leur faire des actions par des personnes qui étaient déjà là pour alléger un petit peu le texte, puis rendre de quoi qui était facile à lire, qui se lisait bien, qui était accessible aussi. Là. Ah, mais c'est super bien écrit, puis justement, moi, j'ai lu l'Odyssée, j'ai lu l'Iliade pendant que j'étais à l'université, puis c'était ma spécialité, littérature ancienne, quand j'étais à l'université, puis j'ai capoté sur la réécriture. J'ai beaucoup aimé ça, puis justement, de rendre ça accessible, c'est juste fantastique, justement, parce qu'il y a bien des gens qui le connaissent pas, mais ça définit bien, bien des styles populaires, justement, ouais. Seigneur des Anneaux et tout. Quand on lit des trucs comme ça, en tout cas, selon moi, on le comprend. On comprend d'où ça vient un petit peu. Puis c'est ça, moi, la mythologie aussi m'avait toujours fasciné. Puis d'ailleurs, dans une de mes séries, qui était L'Héritière de Ferrolia, la petite trilogie, où là, j'avais déjà donné une touche mythologique un petit peu, où j'expliquais la création de mon monde, les dieux, comment ils étaient nés, puis l'interaction entre les dieux et les personnages. Pendant toute la trilogie, là, on voit comment que leurs actions se répercutent sur les personnages qui n'ont pas vraiment connaissance de ce qui se passe, que les dieux interviennent, mais qui sont pris un petit peu avec ça. La cosmogonie, justement, la construction d'un monde, quand on nous l'explique dans des... Certaines personnes préfèrent avoir ça des fois plus abstrait, mais moi j'aime pas mal ça, voir ça sous la main. Ça définit souvent mieux l'univers. Oui, j'essaie de le faire de façon courte, évidemment, là, pas que ça devienne trop lourd non plus. Non. Là. Mais avec un panthéon des dieux qui est en début de roman, etc., pour se retrouver aussi. Excellent. Écoute, Guy, gros, gros fan, tu le sais. Oui, moi, Pendrou, on va continuer à te suivre et à acheter. Je suis plus grand fan que toi. Ah, c'est sûr, t'as toutes les livres. J'ai toutes ces c'est livres. C'est ça, il faut que je m'y mette, effectivement, à aller acheter les deux trilogies qui me manquent et le clown aussi, parce que c'est ça, j'aime bien ça. Christian va devenir fan, là. Je le regarde regarder les livres depuis tantôt. C'est ça. Gênez-vous pas, j'ai une page Facebook. Ben, justement, ce que j'allais dire, on te rejoint comment, on achète comment? Facebook.com, roman S, fantastique S. Vous allez voir ma page Facebook qui est là. Mon site internet, guybergeron.com. Le dernier roman n'est pas encore ajouté dedans, parce que je vais faire une refonte bientôt de mon site, là. Mais. Puis il y a un lien là pour me joindre, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, n'importe quoi. Les livres sont disponibles, si vous allez dans les librairies qu'ils ont pu, vous les demandez, ils les font venir. Ils sont tous disponibles électroniques aussi. On vous rappelle, c'est aux éditions Porte-Bonheur. Porte-Bonheur, tous les 10 livres que j'ai écrits sont là. Excellent. Merci beaucoup, Guy, d'être repassé à l'émission. Merci. Pour les gens, on a des livres partout. Si vous êtes intéressés, vous allez voir Guy, il va vous arranger ça. Et on va revenir après la prochaine pause musicale avec M. Christian Lacroix, qui a quelque chose pour nous. Il veut nous jaser. J'ai hâte de voir ce que tu as à nous dire. Puis il y a peut-être Jeff là, qui va venir se joindre. Il pourra venir s'asseoir aussi après Christian, tout à fait. Est-ce qu'il nous reste quand même une bonne heure et 10 à cette émission-là, M. Castegan? Et là, on va passer en pause musicale avec. Là, c'est une chanson plus relaxe. En fait, c'est un film, un excellent. En fait, le dernier film d'animation du grand maître Miyazaki, celui qui avait fait Princesse Mononoke, Castle in the Sky, tous ces grands films d'animation-là. On l'appelle un peu le Walt Disney japonais. Il a sorti son dernier film cette année. Je trouve ça un peu dommage, mais il prenait sa retraite. J'ai vu ce film-là. Excellent film, très beau film, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la trame sonore. Et je vais vous envoyer le thème principal du film. Ça s'appelle Journey, tout simplement, le nom de la chanson, c'est de Joe Hisaishi, c'est lui qui fait la musique de tous les films de Miyazaki. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale, en direct de Geekfest Québec. c'est Laurent. Et Giz, du jeu C'est sérieux. Et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale. On a Monsieur Bergeron est en train de parler de livres. On a justement Eric qui vient de partir avec des exemplaires entre les mains. Tu vas aller lire ça, mon Eric. Tu vas voir, c'est lequel t'as acheté? En quart de givre, je te le dis, il est très, très, très bon. Puis Clown, ben je vois... Clown Mangeur, je te dis que tu vas aimer ça aussi. Tu l'avais lu, toi? Oui, oui, oui. Ah, ouais. Ben justement, quand il est venu faire l'entrevue pour en parler, ben oui. Je l'ai téléchargé tout de suite et je me suis mis à lire ça. Moi, je vais aller me procurer ça, c'est sûr et certain. Et là, on parlait tantôt avec M. Vincent, Christian Lacroix, excusez-moi. Salut Christian, rebonjour. Oui, rebonjour. Mais là, de quoi tu veux nous parler? Moi, je pensais que tu allais venir faire un tour comme ça, mais là, t'as quoi nous dire? Honnêtement, j'ai rien préparé vraiment, mais je veux vous. J'ai un cri du cœur à vous dire parce que je suis un espèce d'addict repentant des campagnes de souscription en ligne. Là, okay. Entre autres, Kickstarter, Ulule, etc. Il y en a d'autres, Indiegogo. Oh. Oui, on en parle souvent à l'émission de ça. Oui, parce que moi, je pense que depuis, parce que j'ai eu une petite pensée quand même en venant ici, je me disais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de joueur ou de geek depuis que j'ai quitté Puissance Maximale. Puis je pense que moi, ça a été ça dans ma vie de joueur, on va dire. Là. C'est vraiment le phénomène de la publication comme ça sur le mode des souscriptions parce que honnêtement là mais j'ai fait une prise de conscience récente à un moment donné on a un historique dans Kickstarter. Je me suis mis à développer tout ça puis à prendre des notes puis j'ai fait comme my god ça n'a pas de bon sens. Comme on dit une expression en anglais là, j'ai plus de sens, j'ai plus d'argent que de bon sens. Ouais. Quelque chose comme ça, fait que c'est exactement mon cas. Là je regardais mon ça n'a pas de bon sens, c'est tellement un piège. Alors mais une fois que tu en prends c'est comme n'importe quel c'est la boisson tu sais, tu es à moitié guéri quand tu t'en rends compte. Alors, je te comprends mais peut-être pas sur les Kickstarter parce que j'ai pas tant backé de projet que ça là, mais j'ai vécu la même expérience avec les ventes de Steam. À coût de 4$ puis de 2$, quand tu fais le calcul en checkant tes courriels, puis tu fais crème, j'ai acheté pour quand même 200$ de jeu. Là, tu fais ta 20 jeux, tu fais bon, je vais jouer à ça quand, moi. Ouais, ouais. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est le même principe, vous en parlez aussi souvent, mais les ventes Steam, là, tu sais, à toutes les fins de semaine, tous les jours, tu as la vente. Tu sais, 3,99 ou 5,99, voyons. Puis tu sais, ça vaut 29. Ou... Là, tu dis, waouh, je peux pas passer à côté de ça. Là, après ça, tu dis, je le jouerai pas, probablement. Donc, et ça fait partie de leur stratégie. Ils savent, d'ailleurs, il y a une statistique qui disait que je pense que 80% des jeux sur Steam ne sont jamais joués. Oh oui. Ils sont achetés. C'est hallucinant. Vous en avez parlé, je pense. Oui, on en avait parlé. Donc, c'est ça. C'est le même principe. Et en plus, Kickstarter ou les autres, ils ont des blogs hein, de créateurs de campagne. Puis c'est rendu extrêmement là, stratégique. Là, ben oui. Comment accrocher les victimes. on est quand même. Il y a On est vraiment consentants. Mais ouais. Toi, Christian, c'est quoi qui t'accroche là? C'est le petit bide ou la petite aide pas trop chère ou, Ben, en fait, j'ai participé à je sais pas, Zombicide. Ça, c'est une ça, tu peux pas regretter d'avoir backé ça. Ben, quand tu joues, tu le reçois, tu te déballes ça, tu te dis « wow, des miniatures ». Mais ouais, c'est toujours la question des miniatures. T'sais, ils mettent « minis », en plastique « minis ». Puis là, on est là « ah, on a un petit côté là, geek oh, ». Oui. Là. Là, tu te dis « je vais les peinturer ». Non, non. Tu sais que tu les peintureras jamais. Mais, mais le jeu, il est hot. Tu peux pas dire l'inverse. Ah oui, il est bon. Mais moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Ah ouais? C'est le fun, mais tu dis, OK, bon, tout là, ça pour ça, tu fais le gros setup. Puis finalement, c'est. Ça peut finir assez vite, là. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est bien, c'est très bien. Mais là, tu dis, ça m'a coûté quasiment 300$ parce que là, t'es. Souvent, c'était un complétiste, hein, le terme en anglais, je pense qu'on n'a pas l'équivalent en français. Mais donc, c'est ça, tu veux tout. Puis là, ils disent, c'est tout le temps, on va débloquer des trucs, ben mais il faut que tu payes. Rajoute 4$. Il est débloqué, mais rajoute. Tu regardes la liste, tu fais, je vais donner le minimum. Là, tu descends. Ouais, si je mets ça, ils vont me donner ça. Puis c'est un exclusif. Si tu le prends pas là, tu l'auras jamais. Ben oui. Mais le pire, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui respectent pas l'exclusivité du Kickstarter. Ça, c'est sauf plate, que Guillotine Game, eux autres, ils ont dit non. C'est un exclusif de Kickstarter. Ouais. Seulement ceux qui ont payé Kickstarter. Ça, c'est correct d'un autre point de vue, mais moi, étant le consommateur qui a acheté Zombicide après qu'il y a eu la campagne sur Kickstarter, parce que je n'avais pas vu cette campagne-là passer, mais là, moi, je suis comme Moi, j'aurais voulu les avoir, moi, les bonhommes. Ah, c'est ça. Ton petit côté collectionneur, ça. Ouais. Ouais. Mais ben, moi, quel côté collectionneur tu penses? Ouais. Je sais pas, hein. J'ai passé en avant du griffon bleu, là, les belles boîtes en haut, là, de Kerzov. Non, c'est ça. J'ai même pas voulu regarder le prix. Mais c'est ça qu'il faut faire, il faut pas regarder le prix. Ouais. Mais moi, maintenant, c'est aussi beaucoup les jeux de plateau. Dedans, là. Et puis, donc, maintenant, je regarde, il y a un monsieur, je pense que c'est Stone Myers Game, là, ils font des séries vraiment intéressantes. Et eux, ils ont une philosophie, là, le chef de cette compagnie-là, il y a une philosophie très ouverte. Il y a un blog. Il dit, moi, je fais pas d'exclusivité. Il dit, parce que c'est frustrant. Tu sais, les gens qui arrivent là après, là, ça peut être frustrant, surtout pour les complétistes, justement. Ouais. Ça nous enrage. Fait que lui, il dit, je veux pas créer de friction. Puis il dit, déjà, un Kickstarter, ça dure environ 30 jours. C'est déjà des... Tu sais, il y a le phénomène des early bids. Ouais. Tu sais, early birds. Voyons donc, c'est 30 jours, ton affaire. Puis en plus, tu mets un early bird qui va durer 2 jours. Puis à un moment donné, ça finira plus, là. Tu vois, dans le cas des exclusivités, moi, je préfère qu'il y ait des exclusivités comme ça au départ, parce que tu récompenses les gens qui t'encouragent dès le départ, que t'arrives justement dans le domaine du jeu vidéo. Des fois, t'arrives... toi, t'as acheté le jeu au départ. T'as acheté... À la sortie, tu as payé le gros montant. Là, tu te ramasses avec, des fois, pas très longtemps après, là, des Complete Edition From Hell Ultimate. Avec Fire and Kittens. Deux fois moins cher avec toutes les DLC. Puis là, tu fais... Plus une exclusivité. On parlera pas de genre de Capcom. Capcom qui sont assez champions là-dedans. Là, tu fais genre Street Fighter 4. Ou Marvel, en fait, Marvel versus Capcom, que toi, on s'en était parlé souvent. Je veux juste contredire, nommer quelque chose. T'as dit, on parlera pas de Capcom et tu viens de nommer deux jeux de Capcom. Non, mais c'était ironique, là. C'est sûr qu'on va parler de Capcom. C'était de l'ironie. Ben oui, c'est ça. Mais justement. Oui, Marvel versus Capcom, ça a été ma plus grande frustration. Puis t'avais pas acheté un collector, toi? L'édition collectionneur du jeu. Et je pense que ça a été 2 mois après. Ils ont annoncé l'édition ultime où il y avait des personnages que jamais j'aurais le moyen de l'avoir. À moins de payer un DLC. Même pas. Ah oui, non, même c'est vrai, pas. Même il n'y a pas. Même pas de rehaussement ou quoi que ce soit. Si je veux les personnages de plus et le nouveau balancement, parce que le jeu était débalancé, ben il faut tout simplement que je rachète le jeu. Ouais, tout à fait. Puis il était 49,99. Il était même pas moins cher. Mais c'est ça, moi, je suis guéri de ça parce que je te dirais les jeux vidéo. Non, vous avez un guéri. Alléluia! Non, Christian, je vais nuancer quelque chose. Guéri. T'es pas guéri, t'as juste remplacé ton addiction pour autre chose. Non, tu mais je te dirais... Kickstarter. Mais je suis en train de me guérir. Je viens d'annuler des projets. Je suis tout fier. Mais là, tu te rends compte qu'il y a des projets qui naîtront peut-être pas à cause de toi. À cause de ton 2 pièces. Non, il est déjà fondé. Non. Mais les jeux vidéo, là, c'est très facile de résister parce que justement, le phénomène des ventes incessantes là, de jeux qui ont 2 ans. Puis moi, de toute façon, ça fait longtemps que je suis plus. Tu sais, j'ai pas là, une machine à plus. Je suis pas là, les nouvelles. Il va sortir dans deux précommandes. Non. Moi, je suis vraiment en retard, puis c'est merveilleux. Tu sauves des centaines et des milliers de dollars en étant en retard. Effectivement. Puis ta vieille machine, tu peux la durer bien plus longtemps. Donc, j'économise des milliers de dollars, puis j'attends les ventes. Ça, je le voulais. Ben oui. Puis là, je l'ai. Mais encore. C'est contrairement à. Même avec une machine récente, t'attends les ventes. Tu l'as pour 10 dollars, alors que plutôt d'avoir payé 90 $ ou ben avec l'édition avec la petite statuette là qui est même pas qui est aussi belle que ça à photo. Ah ben ça dépend. La poussière. Ça dépend. Il y en a des éditions collectionnelles que les figurines sont très hautes. Oui, je dis pas. Puis c'est correct là, je comprends. Je me sens attaqué. Non. Parce que Andrew ça en est un papier collectionneur. Moi aussi j'en ai là, tu sais. Mais ben, après comme ça, tu regardes ça, tu les poussettes. Injustice là est solide. Ouais, ça j'avoue. Mais il y en a des bêtes. Mais tu vois, on parlait des jeux vidéo justement de toute le côté, on encourage l'industrie dès le départ. On en a parlé, Diego m'en avait reparlé justement, on a parlé souvent à l'émission du piratage responsable. J'en ai même écrit cette belle philosophie. J'ai même écrit un article là-dessus dans le Peuple de Lévis par rapport à ça. Écoute, moi ça m'a amené à pirater systématiquement à peu près tout ce qui se fait sur PC pendant un long moment. Puis je me déculpabilise lors des Steam Sales. Je fais bon, je vais faire ma part, achetons, soyons légaux. Mais c'est les attitudes de l'industrie comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, tu fais bon, ben, je me sens cheap un peu de le faire. de justement de pirater en disant, tu sais, il faudrait bien que je l'encourage à l'industrie-là, que j'aime quand même jouer à des jeux vidéo. Ouais. Mais d'arriver de faire, regarde, me faire faire le coup justement du Marvel versus Capcom, ça me tente pas de repayer finalement le jeu à la fin. Il va m'avoir coûté quasiment 100$. Mais moi, les campagnes de souscription, je pense que l'intérêt majeur, là, c'est vraiment de trouver des perles puis des nouveaux projets, des gens qui ont une structure. Shadowrun Return en est un qui est Que je me suis acheté, Bon. Alors, moi, je pense que c'est ça que je cherche plus, là, des gens qui ont un beau projet, mais qui n'ont pas justement des éditeurs, qui sont pas reconnus. Alors là, il faut les identifier. Souvent, ils vont mettre leurs règles en ligne, tu peux tester leur jeu, etc. Puis là, après ça, tu fonces. Ouais. Parce qu'au moins, là, c'est dans l'esprit, t'aides. Tu lances un projet qui arriverait pas sans toi. Oui, tout à fait. Le principe est louable, ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Mais alors qu'une grande compagnie, non. J'ai pas, ils sont déjà multimillionnaires. C'est ça, je me dis aussi pour me déculpabiliser, mais j'ai quand même un petit fond. Là, j'avais vu Gabriel, on parlait du piratage, tu avais quelque chose à dire. Moi, en tout cas, moi, je suis un peu contre le piratage. J'aime mieux ne pas attendre les ventes. Mais je comprends. Ah, ouais. Ben, au sujet du piratage, en fait, comme juste une petite anecdote historique, que le terme pirate vient du fait que Robert Louis Stevenson, qui est l'auteur de L'île au trésor. De L'île au trésor, merci. Avait écrit un... Il était assez peu connu, puis il avait écrit un petit essai anti-royaliste à l'époque. Okay. Et c'était facile quand même de pirater, justement, de recopier illégalement des textes. Et là, lui, il s'était fait complètement flouer parce que ce petit truc-là qui avait été payé en commande à peu près 10 pounds pour ça avait été lu à peu près en grandeur d'Angleterre. Mais quand... Ça avait fait connaître son nom. Et quand il a publié L'île au trésor, les gens sont garrochés pour l'acheter. Et dans la préface, il dit « J'aimerais remercier les pirates. Ouais. » Et c'est pour ça qu'on parle de piracy maintenant. Okay. Et il y a beaucoup d'artistes dans différents domaines culturels, comme par exemple en musique. L'industrie nous dit « Ben là, on a perdu des ventes d'à peu près 100 milliards de dollars cette année parce qu'eux, ils calculent qu'à chaque fois que tu downloads quelque chose, tu l'aurais acheté. » Ouais, c'est complètement ça. Faux. Tout à fait. Mais... moi aussi, ben moi j'ai une philosophie qui est comme un peu entre les deux, de aller pirater comme mettons une compagnie de jeux indépendants que tu sais que eux, si leur vente, ça permet de payer leur loyer, comme là je fais attention, mais si je pouvais pirater un jeu de Rockstar, je le ferais là. Mais moi en fait, je devrais le faire, juste que comme je suis un peu trop, je prends pas le temps de le faire. Mais moi ce que j'ai trouvé intéressant comme un peu entre le Kickstarter puis le piratage, c'est les Humble Bundles. Oui. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, ça, c'est un principe que c'est difficile quand tu vends des objets matériels de te permettre ça, de le vendre complètement à perte. Mais dans le cas des producteurs de jeux indépendants, sont comme mon jeu est sorti depuis 3 ans, c'est un fond de tiroir, tu sais, je ferai peut-être plus jamais d'argent avec. Ben, on va se mettre en gang, on va le vendre. Puis moi, les Humble Bundles qui étaient 10$, où j'avais 7 jeux, c'était comme 10$ le minimum. J'étais comme, ben, je vais mettre 15$. Puis je vais faire la balance, là, ça va à la charité. Je sais pas si ça va à la charité. Mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert des jeux que je sais pas si j'avais. Je crois pas que j'aurais accepté de payer 10$ upfront pour ça, mais c'est notamment au travers d'un Humble Bundle que j'ai découvert Hotline Miami. Puis là, j'ai pas pris le temps de voir s'il était sorti ou pas, mais ça, je me suis dit, quand il va sortir Hotline Miami, je vais pas attendre un an que le prix baisse. J'ai tellement eu du fun avec le 1 que je vais l'acheter comme directement. Et ça, c'est avec le principe de faire connaître en vendant ton produit à rabais ou en le piratant, que justement, moi, je trouve que cette idée-là de dire on va arrêter de viser le profit maximum, on va le vendre peut-être même à perte à la limite ou pas loin d'eux, mais au moins comme ça, tu sais, tu fais connaître tes jeux, tu fais connaître tes studios. Ouais, c'est une très belle formule. Puis en plus, et on parlait de stratégie pour les psychologiquement, tu sais, t'as l'intérêt, t'as l'impression de faire un don, tu sais, de charité, parce que tu dis, tu peux ajuster, là, plutôt, je donne 7% de mon 10 $, il va aller à, tu sais, mais c'est un peu hypocrite à quelque part, là, faut être honnête, là. Mais quand même, tu sais, c'est un bel emballage, puis comme tu dis, c'est une super belle façon de, toi, tu y vas pour ces 3-4 là, puis là, il y en a 7-8 autour, tu jettes un coup d'œil, puis oh, t'as des surprises, tu sais, considères que ça t'a rien coûté, là, parce que t'étais prêt à payer le prix pour le cœur, le noyau du... Mais tantôt, on parlait des gens là, qui sont conscients du piratage, puis au lieu de lutter contre le piratage, ils l'embrassent un peu en quelque sorte, là. Je vais faire un parallèle avec un YouTuber que j'aime bien, qui est Brent Tolfloss, qui avait sorti un album de musique, puis il était conscient qu'il allait se ramasser sur Internet à un moment donné, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a volontairement fait un CD avec des tunes, avec des artistes, c'est juste de la parodie, c'était n'importe quoi, il a mis ça sur les torrents. Puis il partageait ça à grande échelle. Fait que là, à un moment donné, il est arrivé sur son Facebook, puis il a écrit: t'sais, l'album que vous avez downloadé de moi, ben c'était pas le mien. C'est moi qui l'avais mis tout ça, puis finalement je suis rendu dans le la librairie musicale. Ouais, c'est ça. De qu'est-ce qu'il a comme fait, les Bare Naked Ladies qui avaient fait ils avaient uploadé, excusez, là, ils avaient mis des fichiers avec les noms du prochain album, okay. Les MP3, mais dans le fond c'était, t'avais le chanteur, t'avais les membres qui faisaient juste dire: tu pirates, toi, là? T'es pas fier de toi? T'es... Puis là, c'était juste, il engueulait le titre, là, tu partais ça. Puis là, tu fais d'engueuler pendant tes 3 minutes et demie. Ah, ouais. c'est bon, ça. Fait que là, c'était comme... Je trouvais ça quand même... Mais c'est ça, mais t'es, c'est comme... Ah, c'est l'album de Brental Floss. Genre des chansons, n'importe c'est quoi. Ça. C'était de toute beauté. Une belle façon sympathique. De toute façon, en musique, comme Gabriel, tu disais tantôt, c'est une industrie qui est assez hypocrite de base, là, qui n'a jamais voulu évoluer. Puis qui, dès que ça va mal, on s'attaque tout de suite aux pirates. D'ailleurs, moi, j'ai bien des gens qui piratent, puis après ça, ils s'en vont au show, ils vont acheter le CD sur place, puis c'est un outil de promotion. C'est sûr, il faut toujours faire attention. On peut pas prôner le piratage à tout vent, ça c'est sûr et certain, mais c'est un outil de promotion. Il y a des groupes de musique qui font plus d'argent si leur album est piraté, mais que la personne va au concert, achète de la merch ou un t-shirt, ou achète même le disque directement, comme les petits groupes qui se font donner une batch de, je sais pas, une centaine ou 1000 disques quand ils ont pressé leur disque. Quand ils vendent en concert puis qu'ils le vendent, c'est 10$ qui va dans leur poche. C'est ça. Contrairement à quand tu l'achètes au HMV où l'artiste reçoit à peu près 25 cents puis le magasin de disques fait 7$. Il y a trop d'intermédiaires. Hein. Il y a ça que les gens comprennent pas aussi, les consommateurs. Il y a bien des gens qui comprennent pas du tout. On parlait avec Guy justement tantôt de littérature, là, le milieu du livre. Puis on en parle au Québec depuis des années, là, de la difficulté du milieu du livre. Puis là, on parlera pas. Il y a un gros problème avec Dimedia et Renaud Bré présentement. C'est assez, puis moi je connais des gens chez Dimedia, là, parler avec eux autres, c'est assez débile ce qui se passe présentement, puis c'est des modèles d'affaires qui sont révolus, mais malheureusement, il y a des gens qui veulent rester là-dedans, puis ça donne des résultats comme ça. Dans le livre, là, pirater un livre, c'est maintenant avec les versions électroniques, c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus... C'est pas la même réalité du tout, tandis que du côté du disque, c'est une industrie qui a jamais voulu évoluer, puis elle récolte un peu... Non, totalement, là. Par contre, sur la musique, j'aimerais juste amener un point que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme une compensation qui s'est faite. C'est que, si vous remarquez, pendant qu'on vendait des bons vieux disques, le prix des concerts était très abordable. Ouais. Hein? Pour les plus vieux, on a un concert pour 35$. Je suis un des seniors de la place, là, en tout cas, je peux vous dire, ça paraît pas, mais ouais. Guy, pas pire aussi. Les spectacles, ça coûtait presque le même prix que le disque. Fait que t'allais au spectacle, il y avait. Alors que là, maintenant, veux pas, il y a un phénomène de, garde, j'ai moins de revenus là. Là, le prix des spectacles s'est rendu de 200$, c'est correct. T'sais, les gens sont habitués, tu payes ça. Non, pas des gros artistes, là. Ouais, effectivement. Les t-shirts à 60$. Je pense qu'ils se reprennent à quelque part. Donc, tu payes peut-être le même prix, mon frère. Ma blonde étudie la musique populaire. En fait, elle a fait sa thèse sur les autobiographies du groupe Motley Crue. Ah ouais? Ça lui fait toujours plaisir de dire ça, parce que c'est vraiment... Et j'ai relu sa thèse, c'est vraiment très bon. Mais elle dit qu'à peu près le seul endroit où tu fais de l'argent en ce moment dans l'industrie de la musique, c'est les groupes nostalgiques. Comme des groupes justement comme Motley Crue qui fait une tournée. Parce que c'est des gens qui ont un modèle de consommation de la musique qui sont comme, ben, on va l'acheter, tu sais. Comme on l'a acheté à l'époque, ça ne dérange pas de payer. Puis souvent, c'est des gens qui sont en cinquantaine, par exemple, fait qu'ils ont plus l'argent, tu sais. Quelqu'un de 20 ans va pas aller voir Iron Maiden là, parce que ça va coûter 120$. Je vais aller découvrir Motley Crue à 20 ans. C'est plus rare un peu. T'sais. C'est ça, tu sais. Puis en fait, là, ça s'est quand même ajusté parce que maintenant, tu peux acheter ta musique en ligne. Puis moi, comme... Puis même à la pièce aussi. Il y avait des gens qui font, ben moi, les autres pièces m'intéressent pas. Je vais aller chercher celles que je connais. Ce qui est un peu dommage un peu pour l'artiste parce qu'il y a des excellentes tracks sur des CD qu'il y a des gens qui connaîtront jamais. Ah ouais, mais moi aussi, je pense que tu fais des belles découvertes, tu sais, de la même manière que, mettons, si tu pouvais acheter juste un tableau d'un jeu vidéo, tu sais, tu passerais tellement à côté d'une expérience le fun. Effectivement. En découvrir un que tu pensais que ça allait être plate, puis c'est vraiment... Ajoute cool. 10% de la map de GTA V. Fait juste la mission de vol de banque, puis le reste... Le reste, on s'en fout. On joue juste avec Franklin. Ouais. Mais c'est ça, en fait, comme le... Tu sais, pendant un moment, il n'y avait pas de iTunes Store, il n'y avait pas de Steam, etc. Fait que tu piratais parce que c'est comme, ben là, moi, je paierais, mais je paierais pas le plein prix pour un objet physique que je vais juste pouvoir acheter au moment du lancement. Puis je suis tellement cynique face à ton industrie que je sais qu'il va y avoir Ultimate Edition pas long après, puis que je vais avoir payé dans le beurre. Fait que faut au moins que, si les gens veulent pas se faire pirater, il faut qu'ils proposent des modèles d'affaires qui correspondent à la nouvelle génération de consommateurs. C'est ça. Mm-hmm. Puis en même temps, aussi, d'avoir la conscience du fait que, ben moi, je vais me présenter en librairie indépendante, pour la littérature, de me présenter en librairie indépendante, ou de me rendre un lancement, d'aller parler avec l'auteur, puis faire « Non, je te l'achète direct là, ton livre, puis... Mm-hmm. » Mais là, tu sais, enlève-toi un intermédiaire, ça va me faire plaisir de t'aider plus d'argent dans tes poches parce que y a de c'est sûr qu'il y a du travail qui se fait au niveau des librairies, au niveau des éditeurs, ça c'est sûr et certain, c'est un travail qui est. On peut pas contester ça, mais ça me fait quand même plus plaisir que Guy reparte avec plus d'argent dans ses poches parce que c'est quand même. Tu sais, c'est son histoire qui est là-dedans qu'un intermédiaire, encore pire si c'est Renaud Bré ou t'sais, un Archambault, une patente de même. Là, t'sais. Non, déjà mais... que je trippe pas sur leur façon de faire, j'aime pas mal mieux. En plus, j'ai la chance de parler avec l'artiste. Ouais, tu comprends, Guillaume, on aime mieux t'enrichir. Non, c'est ça. Ouais. Puis juste peut-être un dernier point que j'apporterai là, oui. C'est que je remarque comme deux phénomènes qui se passent, c'est que encore là je parle c'est le vieux qui arrive là, puis qui vous parle là, les petits jeunes là, c'est que moi j'ai connu une époque où disons il y avait plus de rareté. T'sais, aujourd'hui là, on est dans une surabondance tous les domaines, la littérature, la musique, les jeux. On voit ça, il y a des millions. Je me peux plus. Ouais. On nage là-dedans, puis là on en achète, on écoute des recommandations, OK, et on n'a pas le temps de tout consommer ça. Non. Fait qu'on est assis sur... Moi, en tout cas, je pense que tout le monde est dans cette situation. J'ai une bibliothèque de non-lus, j'ai des CD que j'ai écouté une fois, tu sais, bon. Mais etc., c'est comme ça dans tout. Alors que... Je remonte à il y a très longtemps, les jeunes, il y a très très longtemps, naguère, jadis, bref, il y avait un phénomène de l'attente, hein, surtout quand j'étais petit, là, on avait une promesse, tu vas avoir telle affaire. Là, c'était comme, oh oui, quand? Dans deux semaines, tu sais, ça va être ta fête. Puis là, c'était, bon, je caricature, mais c'était un peu ça. Tu l'attendais, tu l'espérais, puis là, t'avais le truc. Puis il n'y en avait pas des millions, tu sais, dans le temps des jeux de société, Talisman, la première édition française, ceux qui l'ont connu, la boîte, Gallimard, quoi, bref. Mais tu sais, c'était le jeu, là, que les geeks se partageaient, puis se mettaient dessus, oui. Aujourd'hui, il y en a des millions. Fait que, tu sais, il y a ce phénomène-là de surabondance, puis aussi, peut-être, je pense, la génération montante, puis c'est correct, là. Et c'est sûr, on a les moyens techniques de je veux tout maintenant. Mais ouais, clic, ça, je le veux. C'est là. Ça, j'allais dire. Ah, j'ai pas les moyens de me payer tel jeu de suite. Torrent, je l'ai dans 2 heures, m'allais me faire un souper, puis on a le jeu. Puis je vais vous dire que ce que moi je fais là, pour revivre le meilleur moment. Le meilleur moment, moi je trouve que c'est l'attente. Okay? Fait que c'est pour ça que j'aime les projets où j'ai trouvé un magasin, j'ai honte de le dire, c'est à Vancouver. T'sais, c'est pas écologique pantoute, mais je me fais venir des jeux de société de Vancouver. Ok. J'y pense, puis je suis un peu gêné. Là, puis là, il arrive, puis là, moi je suis le petit camion. Le tracking. Il approche, il arrive, il a fait les prairies. Ah, il arrive en Ontario. Oh my God. Ben, puis... même avec les Kickstarter, il y a ce phénomène-là d'attendre parce que tu payes pour le projet, mais là, comme des fois, tu sais, entre le moment où c'est ça va prendre un an, etc., fait que tu te mets à attendre quelque chose. C'est pas là, un clic puis c'est réglé. Ouais. Oui, puis je trouve paradoxalement que ça manque, ça. Je trouve que des fois, c'est le meilleur moment. Surtout des fois, tu l'ouvres et tu es déçu. ton espoir, c'est le meilleur moment. Je dois avouer que moi, dans mon cas, quand je commande des trucs souvent par Internet, c'est des trucs de. Je participe à des GN. Je me commande souvent des trucs à l'étranger, des bouts de costumes. Puis moi, je peux te dire que quand j'attends quelque chose, là, à l'époque, là, c'était quelque chose, là, mais là... Tu fatigues. Fatigue, tu dis? Je pèse sur envoyer, j'ai payé mon truc, je fais bon. Il est pas arrivé. Je check la porte. Il est pas arrivé. Je fais... Là, c'est une partie, c'est ridicule. Là. C'est comme l'espoir que ça cogne. Là, c'est t'sais. Ça. Je me suis acheté une paire de bottes pour mon costume, ça va être malade. Parce que, dans GN, habituellement, les parties de costume les moins travaillées, c'est les souliers. Puis moi, je viens de me commander une Christie de belle paire de bottes pour aller avec mon personnage Nouvelle-France. Ça va y aller. Dans là, je fais... Là, tu l'attends, je vais l'essayer tout de suite. Là, ça finit par arriver 2 semaines après. Là, 2 semaines, tu te peux plus. Là. Moi, je suis dans le... 2 semaines, c'est rien. Comment? Non, non, mais pour moi, c'est beaucoup. Là, t'es dans le bureau de poste, il m'a l'ouvré ici. Oh. Je l'ai déjà fait, hein, pour vrai. Je suis sorti du bureau de poste, il y avait un banc, je me suis assis, puis là, je m'en vais en bus, là, j'ai pas, puis là, tu sais, j'avais des bottes, puis j'avais 2-3 patentes, la boîte était grosse de même, là, pas de problème, ouvre ça, je check les bottes, je vois, sont nice. Il faut toujours remettre ça là-dedans. Chez nous, c'est complètement ridicule. Mais c'est un pas pire rush dans leur film, t'es là pendant deux semaines. Ben, c'est un peu comme moi avec la PS4. Quand j'avais précommandé ma PS4, j'ai précommandé à partir du moment où c'était ouvert. Je me suis pointé le matin. J'allais travailler. Je suis rentré au bureau avec la PS4. mais j'étais pas pour la laisser dans le char. C'était juste pour flasher Andrew Castegan. C'était l'hiver. Je le vois rentrer là, puis là je rentre en plus en retard, puis alors j'avais dit à mes boss que j'allais être à l'heure, et là il vient dans mon bureau. Tu t'avais dit que t'allais pas être à l'heure, hein? J'ai dit ta gueule. Ah, t'étais mon boss, t'es capable de lui parler de même, toi? Ah, ben c'est à cause que mon boss c'est un de mes amis. Ah ok. Fait que c'est comme ta gueule. Mais j'avoue, là t'es là, tu travailles là, puis là Hey, là. Attends, regarde. Là, tu travailles, là, t'es comme, à ce prix, j'ai hâte. Mais là, c'est l'heure du dîner, t'es comme, oh yeah. Là, je fais quoi, là? Tu fais, OK. Toi, surveille ça, je m'en vais me chercher à manger. Fait que là, tu vas te chercher à manger, t'en viens à ton bureau. Pour te remercier de l'avoir checké, veux-tu que la rouvre? Non, il va l'ouvrir dans le bureau. Là, lui, il est là, puis il fait, ben là, non, là, c'est correct, là. T'attends-tu de venir chez nous après qu'on a fini de travailler? On va jouer. Crinqué raide, le gars. Là. Mais tu sais, ce phénomène d'attente-là, en plus, à cette heure, moi, je le vis quand j'ai... J'ai-tu que t'as hypé de même pour deux semaines? Moi, j'ai hypé de même pendant des mois. Non, c'est ça. Mais en fait, ouais, ça, quand on a des produits nouvelles... J'ai négligé mon épicerie pour ça. Ah, le pire, c'est que je le sais, tu m'en parlais tout le temps. Mais tu sais, ce phénomène-là d'attente, les nouveaux justement, les nouvelles consoles... On prend un exemple assez big, là, les nouveaux produits Apple. Là. En avant d'un Apple Store, là, quand il y a un nouveau iPhone ou un nouveau iPad, là, c'est quelque chose. Là. J'ai pas... À cette heure, on voit rarement ça, là, à part au Boxing Day. Il n'y a pas grand monde en avant des magasins à ce point-là. J'avais lu, pas l'étude en tant que telle, parce que quand on cite des études, c'est rare qu'on va les lire parce que c'est vraiment chiant, là, des textes scientifiques d'études sur le terrain. Effectivement. Mais il avait fait une étude en sociologie, en psychologie, où il avait fait un espèce de mapping cérébral pour voir quelles zones du cerveau étaient activées, et les gens qui parlaient de leur culte, de leur pratique religieuse ou de leur pratique de culte religieuse, il y avait une zone du cerveau qui était affichée, et c'était la même quand les fans de Apple parlait de leurs produits, tu sais, que c'est une dévotion absolument religieuse. Tu sais, moi, je déteste les produits Apple. Oh, c'est pas mal la même chose. En fait, moi, j'ai jamais rien contre le hardware, c'est le reste. C'est pas des mauvaises machines, mais ils vendent trop cher, puis c'est sûr que tu payes trop cher pour quelque chose que tu utilises pas à 50%. Là. En plus. Que moi, en tout pour cas, la plupart des gens. Jaloux. Alors, Christian, t'es Apple, toi? J'ai un iPad et j'en suis fier. Non, je dis pas que c'est des très mauvais produits, mais c'est assez ordinaire. C'est bonheur, des mauvais produits, c'est juste qu'on n'a pas nécessairement les moyens de se permettre ça. Non, ça va finir, on va faire un débat iOS et Android plus hot qu'hier. Ouais, c'est ça, t'en as fait un en panneau. On a parlé avec la gang de Mac... Parenthèse de même, là, j'ai fait un débat Android iOS avec la gang de Mac Québec, OK? C'est des mordus... j'étais d'Android, moi. Ouais. Les autres, c'était des mordus d'Apple, comme ça n'a pas de bon sens, OK? Puis eux autres, quand ils ont dit « on va faire un débat contre toi », ils m'ont envoyé une lettre, regarde, c'était tout simplement de toute beauté. Là, c'était bon. C'était vraiment une provocation. On arrive au débat, j'étais avec Moustapha, qui est un ami à Jean-Philippe Cardin, le président de Geekfest Montréal. Le premier argument qui sort, ça l'a complètement brisé le débat. Les gars de iOS à côté, telle version, t'es comme tabarouette, vous êtes-tu vraiment dans le cul? T'sais, il a tout simplement dit, écoutez, le débat c'est pas compliqué là. Un iPhone, c'est un carré de sable. Ça te tente d'avoir un téléphone ou une tablette qui marche dans un barème, des règles bien précises que tu peux pas sortir. Tu vas avec un iPad et un iPhone. Par simple principe que Apple veut que tu puisses faire ça avec le produit, tu peux le faire. Ça va bien marcher, ça va offrir une stabilité. Si tu décides de sortir de ce sentier-là, tu n'es plus supporté par Apple, tu n'es pas certifié, puis tu peux rentrer dans ta instabilité. Tandis que quand tu tombes avec Android, t'as plus la mentalité linuxienne, Unix et tout ça, où là, c'est un peu comme les utilisateurs de PC, un peu en quelque sorte. c'est ta responsabilité de s'assurer que ton téléphone marche. Fait que t'as la liberté de le faire planter en mettant des cochonneries russes, là, russo-chinoises. C'est les meilleurs. Brisé, c'est les meilleurs. L'écran, il fend, tu sais. Ben, veux-tu qu'on échappe un iPhone ou un iPad à terre? Je veux te garantir que l'écran va aussi ben, fendre. Je l'ai échappé souvent. Ben, mon téléphone, ça fait 3 ans que je l'ai, puis il avait embrassé l'asphalte assez souvent, puis il marche. Ben, hein. Là, les gars se regardent avec des couteaux. Ouais, des... Mais bref, ça va être un match à finir. Ben, ouais. Moi, ça me fait penser, en fait, quand j'étais jeune, il y avait ce débat-là entre est-ce que t'es Sega ou est-ce que t'es ben, Nintendo? Ben oui, ben oui. Tu sais, c'était vraiment bon, là, comme... Moi, j'étais Sega. Tu pouvais pas... Puis en fait, je pense que, tu sais, souvent la question, c'était comme tu pouvais juste te permettre un des deux. Ben oui. Puis en même... Parce que maintenant, je pense que c'est plus fréquent pour les gamers d'avoir... J'ai la Xbox, j'ai la PS3, je les ai toutes. Mais là, à l'époque, c'est comme non, je vais choisir mon camp, puis... C'était comme si tu traçais une ligne dans le sable. C'était fini après, là. C'est comme genre quand, tu sais, moi, j'étais Nintendo, fait que j'étais comme Mario, c'est awesome. Puis là, j'allais chez mon ami, puis je jouais à Sonic, puis après ça, j'étais comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu fallait comme je me sens sale. C'était comme, c'est ça, tu te fais un sentiment d'appartenance qui est comme, ouais, qui est un peu ridicule. Je veux dire, moi, j'en ai eu des iPods, là, puis je travaillais sur des Macs, moi, je trouvais qu'ils plantaient tout le temps, là, mais c'est une autre histoire, mais, tu sais, t'es pas obligé de dire comme c'est l'un ou c'est l'autre. Non, c'est là, ça. Ben, bref, c'est ouais, ça. Le verdict, je voulais juste compléter avec la parenthèse, c'est que quand j'avais assisté au débat de. Eux autres, ils avaient fait iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Ils avaient fait les quatre. OK, Windows Phone et BlackBerry, là, ils étaient out of the game, là, oublie ça. Là, les deux gars étaient. Ouais. Mais pourtant, Windows, apparemment, que c'est un. Les surfaces et tablettes, c'est super, apparemment. Non, pas enfin. Si moi mon Game Master à Donjon, il y en a une pour l'assister puis il sacrait beaucoup. Okay. C'est des bons produits, on l'avait testé avec Andrew à un moment donné. Oui, oui, c'est ça. La Surface 2, elle marche quand même bien. La 1, elle a eu des tiratés. On va des tiratés. Mais le débat final, dans le fond, puis ça sortait de la bouche du gars de iOS. Il disait ben finalement, c'est 5, t'es qu'il y a les deux plateformes dans l'industrie, puis chacun a leur point faible et leur point fort. Là, j'ai comme fait. Attends un peu, là. T'arrives pas souvent qu'un cultiste d'Apple t'a dit ça. C'est ça, là. T'es un cultiste d'Apple et tu viens de dire, à la fin, c'est bien qu'elle ait les deux. C'est quand... ben, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ben oui, ça prend une compétition. C'est comme tout bon capitaliste que nous sommes, nous devons accepter la compétition. C'est bon pour les affaires. Non, mais c'est juste non, parce que ça le fait changement. Monopole, c'est dangereux. Ça faisait changement de la moyenne des discussions que j'avais avec ce genre de personnes-là où c'était non, iOS, c'est le seul téléphone intelligent. Ben non. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont utilisé que ça. Qui n'ont jamais utilisé d'iPhone, qui n'ont jamais utilisé d'Android, qui ont toujours eu un iPhone. T'sais, à un moment donné, ça devient compliqué de faire une comparaison. Puis quand tu es en mode justement culte, sortir de ce culte-là, c'est difficile. Hein? Ouais, c'est quand tu vas avec les extrémistes. Là, ah oui, mais là, écoute, ça. On devrait sortir une charte québécoise de la téléphonie. Oh non, non. Non, Christine, non, parce que ça va être mis entre les mains du CRTC. Non, ça va être compliqué. C'est compliqué le CRTC. Là, on a les gars, on a un gars du CA, là, de CJMD dans le coin. Là, puis. Arrêtez d'en parler, on va perdre notre licence. Écoutez, messieurs, c'était une discussion des plus intéressantes. On va repartir en pause musicale. Merci puis beaucoup. Après ça, Christian. On va revenir avec Jeff. Ouais, ben en fait aussi les deux snooze. Je pense qu'il y avait des questions pour nous. Je sais pas s'ils les ont encore. Le Marcus, il. Je sais plus. En tout cas, on va voir Jeff puis vous y penserez pendant la pause musicale, messieurs. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir amené ça sur la table. Très bonne discussion. Merci beaucoup. Et là, on va entendre une reprise métal d'une série de tunes de jeux vidéo que j'adore, le jeu vidéo Chrono Trigger, et ça s'appelle Chrono Trigger Meets Metal par Eric Calderon. On vous envoie ça à Puissance Maximale en direct de Geekfest Québec. We'll be right back. Pajita. I am creator of Tetris and you are listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Chrono Trigger Meets Metal d'Éric Calderon. On a entendu encore Alexis Pejentov, créateur de Tetris que François avait eu la chance. François avait eu la chance de l'interviewer par Internet à bord de ça. C'était ouais. assez incroyable. C'était à notre époque, Christian. Ouais, puis on avait eu, il y avait eu la chance d'avoir un petit indicatif pour l'émission, puis on le passe toujours parce qu'on est bien fiers d'avoir ça dans nos archives. Et là, on est avec Monsieur Jeff Bibeau. Bonsoir, bon après-midi, bonne journée. Peu importe, on va être sur Internet. Bon GeekFest, c'est vrai, t'écoutes ça quand tu veux. Ben oui, tout à fait. Hey, ton GeekFest, comment ça se passe, Jeff? Très bien, très bien. C'est assez intéressant. Oh, oui, hein? Je retrouve une sensation que j'ai pas eue depuis Capikimono. Est-ce qu'on peut dire ça en nombre? Ben oui, tout à fait. on était sur l'organisation. Hein, ben oui, pas c'est un ça. Et le regretter Capikimono, ben je suis content de voir qu'il... non officiellement rejaillit de ses cendres. Ouais. Ben c'est le fun parce que ça fait c'est convention relax, on pas stressé, puis il y a des belles activités partout. Puis quand même, d'ailleurs, on a même pas parlé de GeekFest du tout pendant l'émission à date. Mais non, mais Julien, il est pas venu. Il est passé par-ci, par-là. C'est mais... ça, mais en gros, rapidement, là, c'est au-dessus de 500 personnes pour une première édition. Très beau succès de première année. Puis en plus, c'est ça, pas de gros anicroches, des belles activités tout le temps, de la bière. Ça, c'est le fun de venir en convention. D'ailleurs, c'est une convention, puis Jeff, tu t'en fais pas mal. Ben, d'ailleurs, on va t'introduire, vas-y donc, Andrew. Tu vas m'introduire dans qui, là, c'est quoi, là? Ah, je savais que t'allais dire ça. On va ben, c'est fait. Dans Marcus. Non. Il y a de la place pour deux, à peu près. Mais, non, mais en fait, Alex qui dit trois. JS est un homme qui fait de tout, en fait. C'est un stand-up comique. C'est un cosplayer qui se promène en convention. C'est un auteur. Il fait aussi une émission de radio qui s'appelle Le gars des vues. Composé par Le gars des vues. Composé par Le gars des vues, c'est ça, qui est sur la musique de cinéma, si je me trompe c'est pas. C'est bien ça. On attend ça où, cette émission-là? C'est sur Québec Radio. OK. Donc, la radio Internet. Mais attention, à Québec, exclusivement à Québec, on peut l'entendre directement sur les ondes de la vraie radio FM, je crois, à l'onde dont je ne me souviens vraiment plus. 88. C'est à peu près ça. 88.3. Ça se peut. C'est CKIA. Notre ancienne station. Ou peut-être c'est CKRL. Ça se peut-tu? Ah, oh, mais c'est fantastique. En tout cas. Ou c'était CKRL. Ben, je sais que c'est marqué sur la page Facebook de composer par le gars des vues. Bon, ben les c'est gens. Marqué. Pourront... Ouais, allez sur Québec Radio ou si vous êtes à Québec, allez sur cette onde-là. Moi, je me rappelle pas par cœur, c'est écrit. Mais mon émission de radio, c'est vraiment juste. C'est un passe-temps. C'est un okay. hobby. Ça me permet de toujours écrire. Toujours écrire. Okay. C'est une nouvelle émission. À chaque deux semaines. Donc, je suis toujours en phase de planification, écrire un script, et ça me garde actif. Là. Même si j'ai rien qui se passe en ce moment-là, ben, ça me permet d'écrire, ça me permet de. On promet ça sur la page Facebook de Puissance Maximale, mon cher Jeff. Mais c'est vraiment un hobby. C'est, okay. Parce que je ne me fais pas d'illusions. C'est pas tout le monde. Ceux qui attendent en ligne pour la sortie de nouveaux produits Apple, c'est pas eux autres qui vont être devant la cheville. La nouvelle sortie en CD de James Horner. C'est 88,7. Il y aurait moins, c'est à peu près tout. Comment? 88,7. Ah, voilà. Ah, voilà. Merci. Donc, the man with the plan. Puis là, la question que je voulais te poser par rapport à la convention, c'est comment tu trouves ça une convention qui a un public plus vieux? Parce qu'habituellement, on voit en convention d'animé, tu sais, du jeune de 14-15 ans, il n'a pas mal plus, tu sais. Mais là, cette année, en tout cas, à GeekFest, il y en avait, évidemment, il y a des jeunes, c'est bien correct, là. On aime ça, voir cette prime jeunesse. Mais c'est le fun aussi de se retrouver en geek plus âgé. Comment tu as trouvé ça à GeekFest? Moi, j'ai bien trippé. C'est justement un autre trip, là. C'est assez trippant, oui. J'en ai vécu des conventions, justement, de science-fiction, qui mettaient l'accent sur la science-fiction, okay. la fantasy, où c'était des conventions familiales, tu voyais. Papa, maman, grand-papa. Oui, ben c'est le fun. Le petit en carrosse, là, ouais. C'est vraiment une tradition de génération en génération. C'est palpitant, ces places-là. Mais justement, là, moi, bon, à cause d'un mini malentendu, j'ai appris à peu près mercredi passé que j'allais donner un show. Que j'allais donner du stand-up, d'humour. Okay. Malheureusement, pas dans la grande salle main event, tout ça. Okay. C'était dans une petite salle de panel, mais okay. c'était quand même. Un peu comme ici. C'était sympathique, oui, on voit pas ici, mais croyez-nous, c'est charmant. Une salle de classe. C'est intime, on dit ça comme ça. Ben, moi, j'avais ça. Ben, okay. Moi, j'avais ça. Puis, tu sais, j'ai pas dit. j'ai pas dit non, hey, c'est le fun, mais ça n'était plus le fun de savoir d'avance. Bon, ça c'est autre chose. Mais fait que là, oui, je me suis préparé un peu en catastrophe. T'sais, j'avais du matériel de près, j'avais du matériel déjà bien rodé, j'en avais du plus nouveau que j'avais justement hâte d'essayer. Mais là, je me disais, ouais, c'est vrai, on m'a dit que GeekFest, comme le nom l'indique, c'est vraiment plus geek avec un G majuscule, tous les aspects de la geekdom. Ouais. Là, je me suis dit, là, j'ai un numéro sur le cosplay. Est-ce qu'il va y avoir assez de cosplayers dans mon auditoire pour vraiment embarquer, pour me suivre, là? J'étais plus sûr. Comme un mané, par exemple. J'ai un certain numéro où, à un moment donné, je dois plugger le nom d'une pitoune, une poupoune bien connue, là, tu sais. Okay. Et puis là, tel qu'il était écrit dans mon script, j'ai dit, ah, oh, OK, je vais mettre Yoko de Gurren Lagann. Je me dis, mais tout d'un coup, c'est du monde qui sont moins animés, qui sont plus geek général, ils comprendront pas. Est-ce que je devrais garder Yoko ou mettre Angelina Jolie, tu sais? Ah, ben oui, tu t'es adapté finalement. C'est ça, je me dis, ben on verra rendu là, je me casserai pas la tête. Puis là, effectivement, j'ai vu, bon, OK, c'est du monde, je les gauge. Ils ont bien réagi à tel autre joke qui était vraiment animé, japonais, jeu vidéo. Bon, tu sais, je vais leur sortir Yoko, puis ils ont compris, ils ont suivi. Fait que si tu y vas au feeling. Puis en plus, c'est ça, quand GeekFest, c'est plus relax. On avait même de la bière hier grâce à nos amis de la Ravance. Ça, j'étais cool. Ça, c'est... Ça... ben, ça, là, on vous rappelle... Dis-vous parce qu'il n'a pas eu. Non, parce qu'Éric, on vous rappelle que là, il était là au début d'émission. Là, il est assis plus loin parce que... Micro, Éric, t'as un micro à côté des snooze. Là. Dis-nous ton désarroi. Pas besoin de micro, j'ai rien à dire. J'ai rien à boire. Non, c'est ça, parce qu'Éric, on va le rappeler, notre chroniqueur à l'émission... chronique bière et jeux. On nous avait dit qu'on pourrait faire une chronique ici, mais là, finalement, évidemment, là, problème de... Après triple vérification. Ouais, c'est ça. Problème de permis de boisson. Ça fait que là, Éric, il est pas venu pour rien. Mais quand même... Non, il est pas venu pour rien. Ouais, c'est ça. Regarde ce qu'il y a devant lui. J'ai acheté des trucs, là. C'est correct, là. Sauf que je pensais arriver avec une 24 de 50 tablettes. Non. Ah, ça aurait été malade, ça. Ben, c'est ça. Là, c'est ça que tu l'as amené pour vrai? Oui. Ah, moi, j'aurais été content. De la bonne 50 tablettes. Ben, la meilleure bière. Exact. Tablette ever. Regarde, qu'est-ce non, mais tu sais, même pas de bière, il reste les jeux, voyons donc. Non, mais. Ouais. Non, mais c'est une chronique bière. C'est non, clair. Mais c'est ça. Okay. C'est... Le jeu, c'est un bonus. Moi, j'en ai quand même les jeux, pas mal en fin de semaine. Si quelqu'un veut me goûter, je dois goûter encore. Non, non. Moi, j'étais à côté de toi tantôt, tu sentais pas pire. Mais ce qui est bizarre, ce que je trouve drôle, c'est que là, Éric, tantôt, on a dit qu'il avait acheté des livres, mais là, Éric, il s'est procuré deux items que... Christy, que je pensais pas que tu t'achèterais ça, moi. Hein? Ben, c'est mal me connaître, le gros, là. Ah ouais, mais je savais pas du tout que t'étais amateur de la... ben, on va parler d'Harry Potter, là. Je savais pas que t'étais amateur d'Harry Potter, mais pas absolument, partout. Oui. Puis tu t'es acheté des baguettes. Donc j'ai acheté la baguette de Voldemort et la baguette de Dumbledore. Ben c'est cool, ça. Ben... C'est très cool. Mais c'est parce que j'avoue, tu sais, je rentre dans la salle marchande, je voulais rentrer dans la gueule, donc non. Il y a le micro à deux pouces de la face. Tu peux le tenir seul aussi, c'est comme tu veux. Non, c'est correct, c'est mon statut de végétarien. Non, c'est ça. Mais j'avoue que quand j'ai vu Eric sortir, j'ai fait ah, tu t'achetais ça pour les fils de ta blonde? Non, t'as moué. J'ai fait, ah ben, tant moi, je pas de problème avec ça, mais j'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, Christian, il y a une bonne théorie. Oui, mais on reste pareil dans le thème geek, hein? Parce que aussi, on a Batman, puis lui, on dit qu'il sentait Robin. Oh! On reconnaît l'humour des deux. Non! L'humour de mon oncle. Mais sinon, Christian, il y a non, une je vous théorie. La volerai pas, celle-là, pas de danger. Non, non, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tu sais, pour jouer du drum, ça prend deux baguettes. Oh, ben oui. Ah, ouais, c'est ça la théorie que je voyais là. Ben oui, c'est ça. Ben grand drummer, hein, Eric, on le sait. Il opine du bonnet, donc on va dire oui. Mais je trouve ça ben drôle. Mais bref, tout le monde sait maintenant qu'Eric a des baguettes d'Harry Potter. C'est bien correct. Moi, j'ai lu des faux sabres laser pendant bien longtemps. Ils sont pas assez réalistes, je les ai jetés. Bon. Mais en fait, j'ai pensé m'acheter. J'ai des chums qui font des GN de Star Wars, puis ils montent une page. C'est des lightsabers de GN. Je vais qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te taper avec quelqu'un avec ça? Oh non, full pin. Oui. Je fais, j'en veux trois. Mm-hmm. Je fais pas de GN de Star Wars. Mais remarque que ça m'a quasiment incité à en faire. Sans farce, là. Il arrache-tu les bras pour vrai? Hein? Il arrache-tu les bras pour vrai? Ça pourrait être pratique contre certaines personnes que je n'aimerais pas ici, mais non, malheureusement, pas aussi réaliste que ça. Je te garantis que si ça existait pour vrai, ça serait plus du GN. Non, exactement, on s'amuserait plus autant, Jeff. Ça serait juste du N. Bon, dans les jeux de mots encore. Non, c'est ça. Mais j'hésitais à dire juste du G ou juste du N. Finalement, c'est ça qui arrive. Lancé là-dedans. C'était la demi-heure des calembours. Là, on parlait tantôt justement d'auteur. Andrew l'a mentionné tantôt. Tu es auteur également. Qu'est-ce que tu écris, Jeff? J'ai commencé à écrire quand j'étais exilé aux États-Unis. Ça, j'aime ça dire ça, exilé. Puis là, de rien rajouter après. Fait que ça laisse plein de portes ouvertes. On ne saura jamais pourquoi. Non, c'est pas. Mais, c'est une légende. Non, c'est ça. C'est que j'ai juste vécu là-bas longtemps. Ouais. Et c'est là que j'ai, dans le fond, commencé ma carrière d'artiste. Autant en tant que stand-up, qu'humoriste et aussi qu'auteur. Fait que là-bas, j'ai écrit deux livres en anglais de fantasy. Tu sais, vraiment de la hard fantasy, là. Tu sais, des concepts assez poussé là. Et je l'ai lu aujourd'hui, je trouve ça encore assez trippant. J'ai dit waouh, c'est vraiment impressionnant. J'aurais fait certaines choses différentes. Différemment évidemment là, tu sais, on se relit puis dit ouais, là j'ai ici dans tel domaine, j'étais trop ambitieux, peut-être trop de personnages, trop ici puis ça, mais toujours est-il que j'en suis très fier. Et ils sont encore disponibles. J'ai encore une couple de caisses. Oui, parce que c'est ça. C'est que t'avais-tu fait ça à compte d'auteur? J'ai créé ma propre compagnie. Ah, okay. J'étais full legit. Là, et puis j'en vendais particulièrement en convention. Évidemment, ben oui, je les traînais avec moi. Mais depuis que je suis revenu, j'ai non seulement trouvé plus ma voix, parce que j'ai comme retrouvé ma langue déjà en partant. Ouais. T'sais, je me complais plus dans ma culture. Que dans celle de nos amis du Sud. Oui, qui sont très... On les salue, vous êtes mes amis. Ils m'entendent, ils me comprennent pas, mais c'est pas grave. Ben non, ils nous comprennent. Voyons donc. C'est comme quand on parle aux jeux de Nintendo. Microsoft. Puis... Tu sais qu'on leur dit de pas faire affaire avec l'usine du Nouveau-Mexique pour leur carte de courant. Les autres, de même. Tout le temps. Ils nous comprennent. Number one. Ils reçoivent un courriel, puis ils disent merci, puissance maximale. Voici mais votre chèque. Manger de la chenoute. C'est pas mal ça qu'ils nous disent. Et on reçoit un chèque, puis il t'écrit plein de marde. Mais donc, ça pour dire que quand je suis à mon retour, j'ai suivi au cours des deux dernières années une multitude de cours à l'École nationale de l'humour à Montréal. Ah ouais? À peu près tous les cours du soir qui se donnaient, je les ai pas mal tout pris. Et puis, c'est écœurant après le coin, tu apprends. C'est vraiment ce que certaines personnes disent. Je sais que certains humoristes, dans les dernières années, même ceux qui ont fréquenté l'école, parlaient de l'utilité finale d'aller à l'école de l'humour. Là. Et moi, je ne suis pas humoriste, je ne suis jamais allé à cette école-là, puis je pourrais pas dire. Mais selon toi... Mais c'est qu'attention, la formation à temps plein, c'est que ça coûte des bidous. Oui, ça coûte très cher. Et tu étais là à temps plein, mm-hmm. C'est très difficile de maintenir un emploi, de vivre, alors que les cours du soir, ben, ça le dit, c'est le soir. Puis c'est n'importe qui peut rentrer là. Okay. Ça, c'est pas donné non plus, mais c'est rien comparé à la formation à temps plein. Donc, les cours, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, des humoristes bien connus, qui l'ont pas, en guillemets, fait, l'école de l'humour. Mais ça c'est entre les branches qu'ils ont suivi une coupe de cours du soir. Oh oui. Comme tu sais, André Sauvé, il l'a pas fait, mais il a pris une coupe de cours du soir. Parce que puis après ça, il s'est lancé. Ben voilà. Donc pour la base, c'est assez, c'est vraiment intéressant. Et justement, avec tout ce que j'ai appris, j'ai trouvé ma voix, pas juste en tant qu'artiste, que Maurice, mais en tant qu'auteur. Okay. Fait que les livres, j'ai complété deux livres en français depuis que je suis revenu. Okay. Et c'est dans les deux cas, c'est de la fantaisie humoristique, de la satire. Ah, c'est fun. Dont le maître à penser est le Britannique Terry Pratchett. Eh bien, là, tu vois l'ignorance dans mes yeux présentement. Mais tu vois, c'est ça la lacune. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un thumbs up ici. Fait que lui, c'est... Mais c'est ça. Tu vois, on est combien? On est une douzaine de gars ici dans la salle. C'est ça la lacune. Je trouve ça malheureux qu'ici au Québec, un peuple qui aime tant rire, qu'on ne produit pas davantage de littérature humoristique. On en parlait avec Guy justement, l'industrie du livre déjà assez perméable et aussi assez juste dans la littérature fantasy qui est considérée comme la sous-littérature pour beaucoup. Ouais. On voit dans l'humoristique je pense qu'on est rendu à un niveau c'est encore plus marginal. Une manière un peu négative de le voir, c'est justement de la traiter de marginal, cette étasure-là. L'autre côté de la médaille, c'est que, Colin, j'ai une ouverture. Oh oui. Il n'y a personne qui en fait. Let's go, j'y vais. C'est ça. Mais la difficulté, c'est évidemment que les maisons d'édition décident de prendre une chance. Ouais. Donc, moi, mes deux romans, mon tout dernier, je viens à peine de commencer à les envoyer aux maisons d'édition. Évidemment, je me croise les doigts. Mais, on te souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup. Mais si on veut se procurer, y a-t-il un site internet où on peut te rejoindre pour justement acheter tes livres? Parce que on le sait que quand t'es en convention, t'as ça sous la main, on peut aller te voir, on peut acheter. Mais disons que pas un amateur de convention, on n'y va pas, mais on est intéressé, on va où? à peu près ce que les autres invités ont dit depuis le début de l'émission. La page Facebook, c'est ça. Puis d'ailleurs, la mienne est toute récente, c'est-à-dire ma page personnelle, c'est GF Bibo, si okay. vous voulez me friender. Je refuse rarement du monde. Je suis vraiment une... Je suis une pute de Facebook, moi, là. C'est... mais ma page fan que je viens à peine de créer okay. il y a quelques semaines, elle, c'est Jean-François Bibeau, écrit au long. Fait que c'est tout pas, est là, puis toute l'information compliqué. Est là si on veut te contacter pour acheter. Effectivement. Mes livres anglophones, effectivement, il m'en reste. Et puis les francophones, ah, ben ça, c'est en attente d'un contrat. En attente, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Jeff, parce que là, le temps avance, puis malheureusement, il y a des gens qui devront venir démonter la salle. On va être obligé d'arrêter l'émission. Ben ouais. Merci beaucoup d'être passé à l'émission, d'avoir quand même assisté un petit bout. Merci beaucoup. Très intéressant. Puis on souhaite ta meilleure des chances pour la suite, pour tes livres. Ben, puis on va se recroiser, bien évidemment, en convention. Ben oui, puis je vous attends à mes shows. Vous avez des grands gueules. Vous autres, vous rirez bien. Ah ouais, mais moi, je suis tellement un bon public. Même les deux snows, je les trouve drôles. Ça fait que c'est pour vous donner une vue. Eux autres, ils n'ont pas fait de cours du soir. Ça, je voulais suggérer tantôt que vous alliez prendre des cours à l'école, justement, les cours du soir à l'école de l'humour, là. Surtout absolument. Marcus, Alex, il est pissant, là, mais Marcus. Ben oui, puis vous aussi, je vous attends à mon prochain show. Là. Non, c'est ça. On bourrer une salle avec des gros rires gras, là, c'est bon, ça. Pourquoi tu dis qu'ils ont des gros rires gras? pas juste les rires. Oh! On avait la chance de passer ça sous le silence à la radio, mais non! Ah non, mais les deux gars, je pense qu'ils en parlent aux deux secondes dans leur show, ça fait que bon, c'est excellent. Ils font des pubs avec ça. On n'est pas des Dominique et Martin de l'humour, là. On est capable de faire attention. Non, vous êtes deux Dominique. C'est ça! deux Martins, en fait. Non, deux Martins, c'est ça. Ah, oh, ben là, je suis plus avec quelqu'un. Ben là, j'arrête de dire que vous étiez minces, les gars. Prenez la porte, là. Comment? Tu disais qu'on était petits, qu'on avait chien un œil aussi, fait que... Bon, ben, ça, on prend Martin, donc. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin après ce show de 3 heures de puissance maximale. Je tiens à remercier tout le monde qui est passé, Gabriel Godette, qui nous a fait un excellent exposé sur Grand Theft Auto. Merci beaucoup d'être passé. On espère qu'on va te revoir à l'émission. C'est pas impossible. Non, dès que tu passes à Québec, ça va nous faire plaisir de t'entendre. Parce qu'au téléphone, j'ai dit là, qu'il y avait moyen par les internets. Ben oui, si ça te tente à mener un sujet, tu vas en parler. Tu te gênes pas, tu nous contactes. Absolument. Monsieur Guy Bergeron, qui est venu nous parler de ses livres tout à l'heure, bien évidemment. Merci à Guy d'être passé. Monsieur Christian Lacroix, un ancien de l'émission. J'espère que la porte est toujours ouverte, Christian, pour passer. On serait bien content de t'accueillir également. Monsieur Jeff Bibeau, à qui on vient de parler, merci d'être passé. Oui, merci beaucoup. Monsieur Vincent Langlois. Hey, ça m'a fait plaisir d'être assis seulement à ta gauche. Ouais, mais je voyais que tu voulais dire plein de choses, mais tu étais absorbé par tout ce qu'il disait pendant l'émission. Vraiment, très belle émission. Merci très intéressant. Mathieu Charron. Merci à Mathieu Charron. Donc Mathieu Charron qui nous a tout cet essai ici pour la dernière. Merci beaucoup Mathieu d'avoir fait ça pour nous. Il y a eu Guiz qui est passé tantôt. Ouais, Guiz, il a pas parlé, mais ouais, il est passé. Ouais, tout à fait. Merci. Jean-Simon. Merci à Jean-Simon de Chain Awesome Gang qui est Marie passé Lune, pour Marie-Lune, des accros du jeu. Yes. Le bec sur la tête de Benoît, ouais. Des accros du jeu, que c'est bizarre. Il s'est passé belles affaires que vous n'avez pas vues à cette émission. Peut-être entendu, mais ouais. Pas vu. C'est ça. Monsieur Éric Lajeunesse qui est passé malgré sa non-participation, mais ta présence est toujours appréciée. Merci aux deux snows. Nous autres avec. Ouais, merci aux deux snows d'être passés pour nous voir, pour nous encourager. Là, maintenant qu'ils sont venus ici, ils vont me sciller à toutes les semaines pour dire « Andrew, tu viens plus nous voir! » Non, ce qu'on va faire, c'est que tu nous invites, mais tu ne nous fais pas parler. Et merci. De parler. Et merci beaucoup à M. Andrew Castegan à la console. Merci d'avoir été là, Andrew. Un plaisir. Et mon nom, moi, est Michel Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. On vous rappelle que l'émission, vous allez au www.puissancemaximale.com pour écouter les podcasts. Vous allez sur la page Facebook pour nous aimer, participer aux nombreux concours. Merci les deux snooze. Pour participer aux nombreux concours de l'émission avec les gars de la revanche et Pink Vivi. Et on vous rappelle en terminant de passer une excellente semaine de jeu. Middle harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D!